3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et 1, et 2, et 3, 0. Hey, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue sur l'épisode 115 de Have a Knicks Week. Seb, comment tu vas? Eh ben écoute, tout va bien. Tu vois, Tout va bien. Ouais. Écoute, on était parti la semaine dernière pour se donner un petit peu de morale, être positif. Bah, je crois que ça nous a plutôt souri cette histoire, puisque les Knicks sortent d'une semaine plus que positive, triplement positive. Donc on va essayer de rester sur cette même tendance, surfer sur la vague du succès des Knicks. Et puis bah vous connaissez la formule, vous savez que comme à chaque fois, il y a énormément de choses à se dire. Donc on va pas perdre plus de temps, on va lancer le petit jingle et on est parti pour un petit moment à parler en francophone, tous les deux, et avec vous, sur l'actualité des New York Knickerbockers. Allez, c'est parti, épisode 115 sur Have a Knicks Week, c'est tout de suite. Et oui, si nous, on est ici, eh bien, on a une partie de l'association, on a une partie de nos membres, de nos heureux membres, qui sont où? Qui sont là-bas. Le Grand KNF Trip, eh oui, c'est le deuxième voyage associatif de la saison. On avait fait le KNF Mecha Trip en mode rivalité MLK Day au mois de janvier. Eh bien là, février. Non, on est en mars. En mars, ça repart. Eh oui, en mars, ça repart, la KNF. Et ils sont partis. Une petite partie de notre association a pu décoller en fin de semaine dernière pour prendre la direction de quoi, de où, de South Beach, de Miami. Donc, on se doute que là-bas, ils n'ont pas de problème de météo. Il fait plutôt doux. Il fait plutôt bon. On sort les débardeurs pour être dehors, les shorts et compagnie. Et c'est sous le soleil de la Californie, de la Floride. Qu'est-ce que je dis, moi? De la Floride, de Miami, qu'ils ont pu entamer ce début de voyage. Un voyage qui va se faire en deux temps, parce que oui, voir les Knicks, c'est très bien, mais voir les Knicks on road, c'est kiffant. Hein. On a pu participer un peu à distance avec eux à leur début de périple. Un périple qui s'est plutôt bien passé à la Kesaya Center, hein, le nom de la salle. Ouais. Vous savez, celle où il y a la statue de D-Wade, un peu toute bizarre devant. Bref. Et derrière, ça sera direction assez rapidement dans cette semaine du Madison Square Garden, direction New York. On va remonter la côte Est. Il va faire sûrement un petit peu plus frais, même si les températures se radoucissent dans la grosse pomme. En tout cas, ces premières images du Grand KNF Trip font plaisir à nous voir, réchauffent les cœurs. Et puis bah, on a pu vibrer avec eux sur le tout dernier match des New York Knicks, qui n'était pas plus tard que dans la nuit de ce dimanche à lundi. C'est tout frais, on l'a vu en replay, on l'a vu en live, il y en a qui l'ont vu dans la salle. Ils ont kiffé, nos amis, un bon petit scénario et puis une victoire à la fin. Je spoil sans spoiler, hein, on connaît les résultats. Et bien d'ailleurs ils défilent, hein, ils défilent en bas, le bandeau du bas affiche, que vous avez pu le remarquer, les scores des rencontres à chaque fois. Et vous le savez que cette semaine c'est du 3-0, eh oui. Donc voilà, un gros big up à eux, on leur souhaite encore tout un tas de kiff pour la suite de ce voyage, et puis continuer de porter chance aux Knicks, puisque je tiens à le rappeler, lors du KNF Mecha Trip, c'était un bilan de 100% de victoire, peut-être tiré par les cheveux de Trae Young, les cheveux de, je sais plus, Claxton, là. Mais voilà, c'était un bilan de 100% de victoire, on leur souhaite le même bilan pour ce nouveau voyage. Allez, des voyages, c'est très bien, mais l'association fait aussi des événements, où ça ? En France, en métropole, vous l'avez vu dans le bandeau latéral, vous le voyez maintenant. On vous donne déjà rendez-vous pour le 13 avril, la dernière KNF Viewing Party 2, la saison régulière. Vous le savez, les Knicks se dirigent tout droit pour des playoffs et on a la chance de pouvoir généralement faire quelques soirées en playoffs sur le premier et ou le second tour. Ah bon, effectivement, si les Knicks vont en finale jusqu'au mois de juin, est-ce qu'on organisera des soirées en nocturne? On verra. Si c'est demandé par la base, la fanbase, la commu, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle, mais vous, les fans des Knicks, si vous voulez aussi assister au final NBA avec la KNF, eh bien, on n'ira peut-être pas à New York parce que là, ça coûte un rein, voire deux, mais on aura de quoi faire sûrement une soirée en l'occasion. En tout cas, voilà, la dernière de la saison régulière, ça, la date, elle est connue, l'affiche, elle est connue. Qui c'est qui est au rendez-vous? Qui c'est qui est à l'affiche? C'est le Bridges. Le Bridges quoi? Le Michael Bridges? Oui, mais aussi le Brooklyn Bridge. fameux pont new-yorkais, pour ceux qui connaissent, et puis ceux qui connaissent pas, il est quand même fameux ce pont. Et ça sera le dernier match de la régulière, ça sera le 82e, contre qui? Contre les Brooklyn Nets. Donc un petit match à l'extérieur pour finir. Il y aura peut-être un peu de load management ou pas. Est-ce qu'il y aura une deuxième place de la conférence Est à aller chercher? On ne sait pas. Il va y avoir quand même des enjeux sur cette fin de saison régulière et on va en parler. Et en tout cas, on vous attendra le 13 avril. Donc voilà, vous pouvez déjà cocher votre date dans vos agendas parce que voilà, c'est toujours un moment festif et sympathique pour se retrouver autour d'une rencontre des Knicks. New York, en ce moment, ça marche plutôt pas mal, que ce soit les Knicks, mais aussi les autres équipes. Alors, on se rappelle que les Liberties en WNBA avaient décroché le titre en fin de saison dernière, la saison 2023-24. Là, on parle plutôt de petits jeunes, on parle de NCAA et l'équipe des St. John's, coachée par Rick Pitino, le fameux coach emblématique qui a un peu des airs à la Pat Riley. Hein. On pourrait se dire que ces deux-là seraient un peu cousins germains ou jumeaux, frangins, que ça serait un peu pareil. Rick Pitino qui avait sorti le costard tout en blanc, donc limite, on était un peu aussi dans une ambiance à la White Hot de Miami, donc il était tout à fait raccord avec le thème du moment. Et eh bien voilà, son équipe, il a fait plutôt gagner un paquet de matchs. J'ai eu la chance, et avec une partie des adhérents sur le KNF Mecatrip, d'aller voir une rencontre au Madison Square Garden. C'est une ambiance qu'on recommande à toutes et à tous si vous avez l'occasion de pouvoir aller voir des matchs NCAA aux US. Franchement, rien à voir en termes d'ambiance avec des Paris Games Week, je sais pas quoi. Hein. Là, on a du supporter, on a du tonton, on a du papy, on a tout le monde qui pousse pour l'équipe locale et on a du spectacle sur le terrain, mais aussi en tribune. Donc c'est un régal, vraiment une très très bonne expérience à vivre pour ceux qui ont la chance de pouvoir le vivre. Et là, eh ben, Madison Square Garden, ils se sont encore régalés puisqu'ils ont gagné le Big East Tournament. C'est pas le Final Four, c'est un tournoi qui a lieu un peu plus tôt dans la saison universitaire. Le Final Four et la March Madness va arriver très vite, hein, puisqu'on est en mars et que c'est March Madness, la folie du mois de mars. Donc à voir si St. John's ira assez loin aussi dans cette partie de la compétition. Mais le Big East Tournament, c'est voilà, le tournoi universitaire qui était un peu plus populaire auparavant, avant la March Madness, et qui comment dire, regroupe toutes les grosses universités de la conférence Est. C'est même la conférence, hein, qui gagne. C'est même la conférence qui gagne, puisque tu vois, je regarde le classement là, ils ont un bilan de 17-2 sur la conférence. Donc en fait, là, ils ont fini premier de la conférence Big East, devant l'université de Marquette, qui est réputée aussi, UConn, et Villanova, qui finit avec un bilan de 11-8. Et après Georgetown aussi. Georgetown, mais beaucoup de gros programmes, programmes aux US. L'université de DePaul. DePaul. Chicago, non ? C'était qui est sorti de Paul ? Ça me reviendra pas là maintenant. Mais ouais, si vous l'avez, dites-nous en commentaire si vous avez des noms de joueurs NBA passés par DePaul. Pour moi, c'est Chicago, ce type d'université. Ouais. Bon, après, voilà. Grosse conférence. Et ouais, finir premier là-dedans, c'est beau, quoi, pour une petite. Parce que c'est pas la plus grande ou la plus prestigieuse de toutes ces universités qu'on vient de voir. Non, et en même temps, il y a eu des Mark Jackson, il y a eu des Chris Mullin qui sont passés par là. Ça date, forcément. Ouais. Leur coach emblématique, qui est Carnesina, ou je vais écorcher son nom, désolé, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps aussi, l'année dernière, il me semble. Et voilà, Rick Pitino qui a pris la succession, qui a pris le relais. Je crois même pas qu'ils aient... Qu'ils aient gagné le Final Four ? Non. Qu'ils aient des joueurs dans le premier tour de la draft de cette année, quoi. UConn en a un qui est annoncé dans le top 5, mais je pense. Ah, tu veux dire par rapport aux projections ? Ouais, à la draft. Par rapport au draft. Et je crois pas qu'il y ait aucun joueur de St. John's qui soit annoncé au premier tour. Je crois que j'en avais vu un ou deux au second tour, mais c'est tout, quoi. Ah, c'est assez curieux des fois la NCAA, le basket universitaire, de voir que les top prospects font partie de certaines universités, mais pas forcément des universités qui gagnent à la fin. Alors là, cette saison, bien sûr, on parle beaucoup de Cooper Flagg qui évolue à Duke. J'ai pas trop suivi la saison de Duke, je suis moins le basket universitaire, hein, on va pas se mentir. Mais St. John's, on a eu l'occasion d'y aller et on voit qu'ils ont des résultats. Donc ça fait plaisir de voir un peu de parade, de confetti au Madison Square Garden. Et on a envie d'en revoir. On a tu vois, par exemple, t'as un petit Français là qui cartonne pas mal. Qui cartonne pas mal, c'est. Maxime. Ouais, je crois que c'est Reynaud. Maxime Reynaud. Reynaud, ouais, ouais c'est ça. Maxime oui. Reynaud, qui cartonne bien à l'université de Stanford. Et tu vois, bon, là, il commence à monter un peu. Je crois qu'il est maintenant annoncé début second tour. Et pourtant, c'est un mec qui est quoi ? Il a quoi ? Il a 22 ans et qui fait de très très bonnes stats en NCAA. Tu vois, enfin, il est vraiment en haut de l'affiche. Et pourtant, le mec, tu vois, là, je vois sur Draft Room. Il est annoncé 42e, quoi. C'est quand même. Et oui, il y a la compétition, il y a de la concurrence à ce niveau-là. Mais en tout cas, bravo aux Johnnies. Ouais. Hein, c'est tel qu'ils aiment se faire appeler, l'université de St. John's, d'avoir remporté ce tournoi de la Big East. Pourquoi pas maintenant. Et d'apporter un peu de célébration au Madison Square Garden. On a envie vraiment de revoir ça avec d'autres couleurs de confettis, un peu plus orange et bleu. Enfin, vous voyez le genre. De toute façon, là, maintenant, ouais, ils vont commencer à attaquer le tournoi final de toute façon là. J'ai pas les dates précises mais on va commencer quoi. Tout à fait. Bon, un moment un peu moins joyeux clairement. La semaine dernière, malheureusement, on a appris la disparition d'un commentateur assez éminent de la chaîne, enfin de la chaîne câblée du groupe MSG Network. Donc Al. Que j'écorche pas son nom, Trot Twigs, qui a quitté ce monde. Donc voilà, c'était un moment un peu marquant parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qu'on voyait régulièrement au micro, en bord terrain, en interview aussi sur des joueurs, qui n'était pas forcément le commentateur numéro 1 de la chaîne, mais qui a été quand même très très présent pendant de nombreuses années dans le paysage du sport new-yorkais. Donc voilà, donc une pensée à lui et à sa famille, ses proches. Voilà, la famille Knicks aussi, bah voilà, c'est une grande famille. Et les journalistes, les commentateurs en font partie. Et voilà, c'est une voix qui quitte les Knicks, qui part. Et on lui souhaite de reposer en paix. Ouais, et pas, que pas cette beau, année hein. soit... 68 ans, quoi. Pas... Ouais, des suites d'un cancer qui l'a emporté. Donc, on gagne voilà. rarement contre le crabe, hein, de toute façon. C'est triste, c'est triste. Bon, sans aucune transition, un joueur des Philadelphia Sixers. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi parler de lui ? Pourquoi est-ce qu'on parlerait d'un Joel Embiid ? Non pas parce que bah voilà, il va mettre un terme à sa saison, lui aussi, après Victor Wembanyama pardon, pour des circonstances tout autres. Joel Embiid, bah, il a traîné comme un pauvre... pauvre joueur tout blessé, son mal en peine pendant de nombreux mois. On l'avait déjà vu diminuer au printemps dernier lors des affrontements en playoff face aux Knicks. On l'avait vu vraiment pas au top de sa forme avec Team USA pour aller chercher une bague olympique avec cette sélection-là. Bon, et puis ça a été très compliqué cette saison. Et voilà, il a annoncé finalement qu'il jetait l'éponge pour cette saison. Vu les résultats de son équipe, on peut comprendre que ça ne jouait plus rien. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de Joel Embiid ? Non, c'est pas pour son bulletin de santé, c'est tout simplement parce que la semaine dernière, la rumeur a émergé, comme quoi l'été dernier, à l'intersaison précédente, au lieu ou avant d'aller se positionner sur le dossier Michael Bridges, avant d'aller se positionner sur le dossier Karl Anthony Towns, eh bien les Knicks ont sérieusement, très sérieusement, songé à faire venir Joel Embiid. Il y a eu des rumeurs qui disent un certain nombre élevé de tours de draft, bref, tous les assets possibles et inimaginables. Bon, ce deal, vous le savez, ne s'est pas concrétisé, puisque Joel Embiid est toujours un joueur des Sixers. Joel Embiid a prolongé son contrat de 130-140 millions de dollars pour être un Sixers jusqu'en 2029. Et puis, voilà, Joel Embiid, on a vu la saison qu'il a menée, une saison bien tristouille. C'est pas pour nous déplaire, on ne porte pas forcément dans notre cœur ce personnage qu'est Joel Embiid. Alors oui, talentueux, oui, MVP il y a deux saisons de ça, oui, un prototype de joueur quand même assez unique dans la ligue, hein, puisque un pivot assez mobile quand le genou lui permet de jouer, quand le ou les genoux permettent de jouer, mais un leader, assez clivant, un personnage contestable. plutôt qui fait des vagues et qui a une attitude, un body language aussi très très critiquable parfois. Et puis finalement, un leader, un MVP qui a jamais passé un second tour de playoff. Donc là-dessus aussi, on n'est pas sur un joueur qui a des références en playoff. On parle souvent du révélateur en playoff. Pour des raisons diverses et variées. Il y a eu des blessures, il y a eu des shoots improbables de Kawhi Leonard qui rebondissent 15 fois sur l'arceau avant de tomber dedans. Donc voilà, la carrière d'un joueur, elle peut aussi des fois basculer dans un sens ou dans l'autre par rapport à des événements qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais ceci dit, les Knicks ont sérieusement pensé à se positionner sur le dossier. On aurait eu une paire Jalen Brunson, Joel Embiid, qui auraient été les joueurs après autour, les lieutenants, les role-players pour encadrer tout ça et compléter le roster, on n'en sait rien. Mais voilà, Joel Embiid, Onyx, on est bien content de ne pas l'avoir fait, Seb, ou au contraire, on se dit, ah mince, on aurait peut-être dû tenter le truc. Toi, tu vois la chose comment? Par rapport à cette rumeur qui ressort après coup, et c'est toujours facile de dire, on aurait dû, on n'aurait pas dû. Ben, ça m'aurait bien fait Comment t'as réagi quand t'as vu la rumeur? Ça m'aurait bien fait chier, je t'avoue. Parce qu'en Surtout fait. vu la saison là. Ah, hein? Surtout vu sa saison Non, actuelle. mais même. Même Même. autrement. Ouais, non, j'aime pas du tout ce joueur. Enfin. Il est incroyable, hein. Mais alors, à faire des caisses, à flopper. Limite, il pourrait flopper un tir à un lancer franc, tu vois, le mec. Ça serait quand même incroyable. Tout en fait, moi il n'y a rien qui me plaît chez ce mec. J'arrive pas à comprendre à se passionner pour lui. Comment est-ce qu'il a jeté en pâture ce pauvre Ben Simmons? Comment est-ce que c'est jamais de sa faute? Quand ils se font virer, il paraphrase Giannis qui lui était vraiment touché. Il le paraphrase en se marrant. Après d'ailleurs, ce qu'il a fait avec Team France, est-ce qu'il y vient, est-ce qu'il vient pas? Alors qu'on aurait pu, pourquoi pas faire. Ah, je me souviens plus non plus du prénom de ce meneur américain qui lui était Mike James. Mike James, ouais, qui aurait pu jouer pour la France. Et au final, il part pour Team USA. Il est pété, le mec, mais il va quand même gratter sa bague parce que tu comprends, il faut qu'il chope un truc. Médaille, médaille, médaille, médaille. Ouais, pardon, sa médaille, pardon, sa médaille. Et puis, il a eu un vrai rôle en plus. Et puis après, derrière, là, tu le vois, il y a quelques semaines, le mec qui fait le poirier. Et puis il a des problèmes aux genoux, donc c'est vrai que c'est conseillé de faire le poirier quand t'as des problèmes aux genoux. Enfin, moi, y a rien qui va chez ce joueur. Il serait arrivé au Knicks, ça m'aurait mais alors emmerdé de devoir en fait quelque part supporter supporter ce type là quelque et part. peut-être supporter dans tous les sens du terme, supporter en tant que allez, va faire gagner l'équipe et supporter en supportant ses bêtises. C'est ça. Si tu veux, c'est que déjà, bon, à la base, moi je suis pas non plus un grand fan de Karl-Anthony Towns, mais au moins il joue et puis je sais pas, je vois l'Embiid, des fois t'as l'impression qu'il a un mauvais fond, alors peut-être que c'est un jugement comme ça, hâtif, je connais pas le mec, mais de vue de l'extérieur, j'aurais préféré, je préférerais encore que Kevin Durant vienne au Knicks que Joel Embiid. Ah non, quand j'ai vu le. Dans l'échelle de la détestation, Embiid, il est le real MVP, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Et contrairement, en fait, au reste de la fanbase des Knicks, moi, j'en veux pas spécialement, tu vois, un Trae Young. Tu vois, le mec, Ah. il se fait charrier, il charrie, c'est le jeu. Le mec, c'est le jeu. Faut accepter. Les fuck Trae Young, il répond en mettant des fois la clim. C'est le jeu, moi, ça, je suis prêt à l'accepter. Ouais, ça fait grincer des dents, mais je suis prêt à l'accepter, c'est le jeu. Mais C'est du trash talk, c'est du trash talk. voilà, donc c'est pour ça que moi je le déteste pas, Trae Young. Mais alors, Joel Embiid en plus, là, quand il fait ses sales coups, notamment au dernier playoff, là, avec Mitchell Robinson. Enfin, ah, les derniers playoffs, en fait, m'ont fait passer un step dans le niveau de hate que j'ai pour lui. Donc, c'est très malheureux ce qui lui arrive. Oui, Mais à on se réjouit pas de ses oh, blessures, non, on est non, oh, d'accord. je me réjouis pas de ses blessures, mais en même temps, est-ce qu'il a vraiment tout fait pour bien se soigner? On peut se poser des questions sur son hygiène de vie, sur tout un tas de Mais choses non, mais le toi, concernant. cet été, le mec, il a un œil qui clignote pendant que l'autre, il est en plein phare, pendant les playoffs. Il est à l'arrache. Déjà, il avait passé la moitié de la saison explosé. Il revient pour les playoffs. Bon. Et tu te rappelles de cette action où il lance la balle sur la planche pour aller dunker? Alors, le highlight, les gens font ah! Oh! Sauf que derrière, il s'écroule, il se casse la Bah figure, oui. il se casse la gueule, quoi. Et donc, au. T'as envie de dire, t'es blessé, C'est ça. ménage-toi, enfin. Et donc cet été, le mec ne trouve rien de mieux à faire au lieu de se focus sur sa santé que d'aller faire le con à Paris. Bon, bah, écoute, tant mieux. Et après, il fait le poirier. Ouais, bref, bon. Allez, next. Merci pour tout, Joël. Mais tu sais que, par contre, moi, j'ai peur pour le reste de sa santé parce que quand tu vois ce qu'ils annoncent. Oui, en type d'opération, on parle Ah de ouais, casser la hanche, le réaligner casser le après tout ça, le bassin bassin, enfin, ouais. pour réaligner le truc. Enfin, et le mec, au vu de son âge, Bah, je sais pas s'il ouais, retrouvera effectivement, le. ça parle dans les rumeurs aussi qui sortent maintenant autour de ses blessures et puis autour du trade. Moi aussi, je suis très heureux qu'on n'ait pas fait ce trade. Ça aurait été Sonics. Ah, vous avez pris un joueur, il est blessé. En Ouais. plus, vous l'avez payé cher. Ah, c'est la honte. Quand on voit le positionnement des Sixers dans la conférence régulière, dans la conférence Est sur cette saison régulière, c'est un merdier pas possible. C'est voilà. Et il y a le côté Diva, on lui laisse tout passer. Prolongation de contrat. Alors que blessé, on peut parler d'un joueur injury prone. Oh, Il lui, a oh, enchaîné complètement. les blessures tout le long de sa carrière. Même déjà, son arrivée en NBA a été différée. Donc, je n'ai pas compris non plus que les Sixers se jettent à le prolonger, C'est Joel ouais, mais Embiid, tu peux sans pas. condition, tu vois, quoi. Autant à Zion, on va lui mettre des conditions de poids, on sait qu'il est blessé. Embiid, il avait eu des conditions par rapport à son prolongation de contrat lorsqu'il avait eu le max il y a quelques temps de ça. Mais voilà, là, on va dire se marier sur le long terme avec un joueur qui, pour l'instant, passe pas un second tour. Ok, t'es MVP de régulière, mais t'as pas prouvé derrière en playoff, quoi. Donc voilà, très très compliqué son dossier. Je pense qu'on aura un joueur aussi qui fera son entrée au Hall of Fame à un moment donné, ce Joel Embiid. Oui. Si sa carrière devait s'arrêter parce que là, blessure et qu'il n'arrive pas à revenir, qu'est-ce qui va rester de Joel Embiid? Oui, MVP de Ah, régulière. bah oui. Mais moi, Mais c'est tout. mais Enfin, moi, c'est tout ouais, quasiment, mais quoi. moi, je, oui, mais moi, je rappelle tout le temps que le Hall of Fame, on fait rentrer Bien en, sûr. alors, le gars, lui, il a quand même pour lui d'être MVP. Type All NBA Team, je parle pas d'All-Star parce que c'est de la foutaise, mais de All NBA Team. Voilà, à côté de ça, on a Mitch Richmond, Tim Hardaway, tu vois, Tracy McGrady. On va avoir Melo qui va y rentrer. Tu vois, par rapport à un Joel Embiid, la Mais légitimité. voilà, il y rentrera parce que MVP, Ah, mais c'est et en gros sûr! ça lui donne la clé pour y rentrer. Mais voilà, si sa carrière devait s'arrêter là, ça serait quand même pas glorieux, glorieux, quoi. Bah, Donc on verra. ça serait un beau gâchis On parce verra. que je crois que il en carrière il a moins de matchs que Mikal Bridges. Il faudrait que je vérifie, mais C'est je fort crois que probable. il faudrait que je vérifie. Alors, attends, je vais regarder Joel Embiid stat et Mikal Bridges et je Mikal, il en est à 500 et quelques, et effectivement, Joel, il doit pas en avoir beaucoup, beaucoup, ben, de par toutes ses absences. Joel déjà il rate ses 2 premières années à sa draft. Donc la 2014-2015, 2015-2016, il les rate. Le process a Il pris a du temps. joué 452 matchs. Oui, bah c'est moins que Mikal. Mikal est à plus de 500. Donc, Voilà. voilà. En 9 ans de carrière. Donc 9 ans de carrière. Un peu plus même parce que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ans, mais 9 ans de carrière effective. Donc en 11 ans. Et ouais, donc tu as dit Mikal Il y a plus de Bridges. 500 matchs maintenant, puisque sa série est toujours en cours et ininterrompue. Alors bon, avec ce trade et cette rumeur de Ah, les Knicks auraient pu se positionner sur le dossier de Joel Embiid, bon, est-ce que ça serait fait ou pas? À quel prix? Ça évoque beaucoup d'assets, beaucoup de picks de draft, et donc forcément les gens ont comparé. Oui, mais on en a bien mis 5 pour Mikal Bridges. Ouais, bah entre un joueur qui joue et un joueur qui joue pas, je préfère toujours avoir un joueur qui joue, Ouais. même si on l'a payé cher, c'est sûr, le prix, nanana. Mais Joel Embiid, on aurait mis ne serait-ce que 5 picks de draft dessus, bah on aurait eu un joueur qui aurait passé son temps à Bah, l'infirmerie surtout quand et. tu vois que là, il parle de. Enfin, il parle. Ça a été une supposition d'un insider NBA qui disait ben, le problème c'est que s'il revient pas à son niveau, les Sixers auraient la possibilité d'essayer entre guillemets de De faire faire passer. annuler son contrat ou Ouais. de mettre ça. Ouais. Dans les Ben, lignes c'est de pas contact la. qui font que ça pèse pas dans le C'est salary pas cap. la. Ben, d'ailleurs, c'est pas la. À la New À la Stone New Rules. Stone Rule. Ouais, je me Je demande. sais pas si elle est encore d'actualité. Elle permettait en gros de effectivement ne plus considérer le salaire d'un joueur blessé. Tu payes le mec, mais par contre, elle ne compte plus dans la masse salariale. Ouais. Donc. tous les mois, à la fin du mois, il a son chèque. Hein, à la fin de l'année, il touche ses millions de dollars. C'est 139 là sur la prolongation. Donc il va se mettre bien. Mais ouais. Bon. En tout cas, voilà. On l'a peut-être échappé belle d'avoir une mauvaise idée de Léon pour le coup. Un joueur qui met fin à sa saison régulière et un joueur, bah, lui, qui commence sa saison régulière. Ça y est, on en a parlé la semaine dernière. Et bien maintenant, c'est effectif. Mitchell Robinson a repris la compétition. Il était temps. 59e match de saison régulière, c'était le moment de reprendre. Il a repris lors du déplacement à Memphis face aux Grizzlies. Et on l'a vu encore une fois sur le match à Miami face aux Heat. Bon, un retour qui était attendu, on en a parlé en long, en large, en travers, et on va continuer d'en parler. On s'attendait un petit peu de voir quelle allait être l'utilisation que Tom Thibodeau allait en faire. On a pour l'instant un très court échantillon, c'est aussi un joueur qui est pour l'instant en minutes limitées, minutes restreintes. On voit qu'il n'y a pas une utilisation qui est faite sans, en mode no limit de son utilisation. Mais voilà, déjà, on a pu voir un retour de Mitchell Robinson qui a l'air d'être plutôt en forme sur le peu de temps de jeu qu'il a pu avoir sur ces deux matchs. Sur son premier match, si on regarde vite fait, c'est 12 minutes. Et sur son deuxième, je cherche ça vite fait. Mitchell Robinson, 13. Donc on a une progression d'une minute par match, sachant qu'il y a une prolongation. Donc bon, bref. Non, on est sur pour l'instant un temps de jeu et une utilisation en doublure de Karl Anthony Towns. Donc il n'y a pas eu pour le moment, à l'heure où on parle, et on verra si ça évolue sur cette semaine, voire dans la semaine d'après, en tout cas sur la fin de cette saison régulière, il n'y a pas eu d'association dans le 5 de départ avec Karl Anthony Towns. On est vraiment sur un qui est le backup de l'autre. Ouais. Et un Mitch Robinson qui a l'air d'être plutôt en jambes, qui a l'air de retrouver des sensations, qui est tout de suite en mode le petit clown de service qu'on connaît. Mais là, cette fois-ci, quand on le voit jouer, ça passe un peu mieux. Hein, tu peux faire le clown si sur le terrain, tu te défonces. Et on l'a vu plutôt se défoncer. On l'a vu se jeter au sol, tout ça, aller à la bataille, poser quelques contres par-ci, par-là. Voilà, ça, c'est le Mitchell Robinson qu'on espère voir. Eh bien, voilà, en tout cas, lui, il fait son retour. Est-ce que ça va aider les Knicks à mieux défendre ? C'est un joueur qui a un profil défensif, donc nécessairement, il apportera de la défense. Est-ce que ça sera suffisant pour gommer toutes les lacunes qu'on peut avoir ? Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, un retour qui est plus que bienvenu, le retour de Mitch. Surtout que, un retour, oui, mais il y a eu un départ, il y a eu une blessure. Juste avant le retour de Mitchell Robinson, on avait Ariel Hugporti qui était titularisé pour son premier match. C'était pas Precious Achiuwa, c'était un petit peu une surprise en l'absence de Karl Anthony Towns sur le match face à Philadelphie. C'était Ariel Hugporti, le rookie, qui avait sa place de titulaire. Et malheureusement, il s'est blessé sur ce match-là. Et il s'est blessé, et l'absence qui est annoncée pour 4 à 6 semaines de notre ami Ariel Hugporti. Dommage, il faisait des plutôt belles choses. Avec le retour de Mitchell Robinson, il aura peut-être eu moins de temps, voire plus de temps de jeu. Ça, il va falloir observer ça. On a pu voir sur le dernier match que Precious Achiuwa, il a pris un joli DNP. Donc Ariel, est-ce qu'il aurait pu trouver quelques minutes de temps de jeu ? Ça semble compliqué. Dans l'utilisation actuelle des intérieurs, où on utilise un stretch 5 en la personne de Karl Anthony Towns, et puis du backup pour les pivots backup. Donc il n'y a pas d'association en mode Twin Tower à voir sur les prochains matchs, sur les prochaines semaines, si ça se fait. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Et au rayon des départs, des absences qu'il va falloir comptabiliser, Ariel Hugporti, bon, est-ce qu'il reviendra pour les playoffs ? Est-ce qu'il va jouer en playoffs ? On verra. Hein. 4 à 6 semaines, ça semble peut-être même la fin de saison. Moi, je pense pour lui. Enfin, à partir du moment où il a écarté, Tom Thibodeau a écarté Precious Achiuwa, peu probable à part des blessures, un coup de poker. C'est, on parle de Thibodeau là. En playoff, il y en a parfois, c'est rare. Un peu des coups de poker de désespoir de vas-y, je vais faire jouer Alec Burks. Ah bah tiens, il marque. Ouais. Voilà. Mais bon. Alec Burks, pourquoi il a joué aussi ? Il a joué parce qu'on avait tellement de blessés. Donc ça peut être un coup de poker, c'est qu'il n'avait pas le choix. Mais regarde, en fait, Ariel Hugporti, il l'utilise de la même façon que Jericho Sims. Jericho Sims, soit il ne jouait pas, soit il était titulaire. Mais c'est vrai. Hugporti a eu une titularisation. Mais voilà. Mais il a une titularisation pourquoi ? Il aurait pu mettre Precious et il n'a pas mis... Il faisait la même chose, rappelle-toi. On a eu du Precious qui a été titulaire sur quelques rencontres quand Kat était absent. C'est pas une partie qui avait été choisie. Mais bon, enfin, en tout cas, oui, regarde, effectivement. L'année dernière, L'année dernière, c'était. C'est le troisième pivot. Quoi. Ça avait été Jericho Sims souvent qui a débuté les matchs à un moment donné à la place de Hartenstein. Et on se disait, mais c'est quoi ce délire? Parce qu'elle est où en fait la hiérarchie? C'est-à-dire que quand après derrière Mitchell Robinson revient, Jericho Sims s'y dégage, Hartenstein gagne ses minutes, mais c'est vrai. Donc en fait, c'est la même chose avec Hugh Porty. Donc pour moi, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Fort probable qu'on ne le revoie plus. Et ceux qu'on ne reverra plus, c'est Topin, Jacob Topin et Matt Ryan qui ont été coupés hier soir. C'était des two-way contracts. Donc là, on s'attend dans les heures qui viennent ou pas à avoir des signatures d'autres two-way contracts. Est-ce que ça sera Chuma Okeke? Est-ce que ça sera TJ Warren? Est-ce que ça sera Moses Brown? Moses Brown qui a été recoupé par Dallas alors qu'il a fait une plutôt belle sortie ouais, avec 20 points. Il pouvait pas le signer par rapport au cap. C'est ce qu'il disait expliquer. Il pouvait pas le conserver par rapport au cap. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pris pour un 10 day et puis il a dépanné pour un match. Quoi. Ouais, donc, voilà. Et donc en fait, ils se sont retrouvés un peu emmerdés donc ils ne pouvaient pas le conserver. Sinon après, ouais, ils annoncent. Bah, c'était pas une surprise hein, que Jacob Topin et Matt Ryan. Le fameux Matt Ryan qui devait nous sauver s'était coupé puisque c'était les seuls qui n'avaient pas de contrat garanti. Donc bah, c'était logique. Maintenant, à voir ce qu'on va aller chercher. Alors certains pensent à un PJ Tucker, d'autres à des Chris Duarte, t'as dit Moses Brown, t'as dit Okeke, t'as dit... Quand on parlait de Mo Bamba. Il y a Mobamba aussi qui moi, est beau. Moi, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est pas que j'ai eu quelque chose de particulier contre son joueur, mais vu l'utilisation et le nombre de postes 5, ça jouera pas. Ben, trop tu sais l'utilisation qu'on en aurait. Mais de toute façon, faut bien se mettre à l'esprit que la personne. Enfin, c'est des two-way. C'est des two-way. Et voilà, faut bien se mettre à l'esprit que les gens qui vont signer là ne joueront pas. Hein. C'est plus pour compléter le roster et éventuellement gratter un spot l'année prochaine. Mais même pas. Hein. Je rappelle qu'on parle de Tom Thibodeau. Hein. Il n'a pas vraiment d'idée. Quand il a ses mecs, il a ses mecs. Donc là, actuellement, il a sa rotation. Campaign, Deuce McBride, Chamet. Et en sortie de banc, maintenant, Mitchell Robinson. Avant, c'était Precious Achiuwa. Là, demain, tu lui rajoutes des mecs. La rotation sera Campaign, Deuce McBride, Landry Chamet et Mitchell Robinson. Bah, il est encore heureux qu'à 60 matchs de saison régulière, on ait déjà une idée des joueurs cadres. Oula, mais d'accord, mais c'est pas, il est pas inventif. Donc tu peux lui mettre des mecs avec lui dans sa rotation, tu vois, des Torrey Craig ou quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr que ces types-là, auraient gratté. Même Dylan Wright, qui est arrivé à la deadline, un peu, on va dire, en retour de Jericho Sims, on l'a vu aligné deux fois sur des systèmes défensifs en fin de match où il fallait avoir quelqu'un de long qui peut s'opposer. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser quand je l'ai vu rentrer, Dylan Wright? Ça m'a fait penser à Frank Ntilikina contre le deuxième match, ou le premier match, ou le deuxième match contre Atlanta, où le mec ne joue pas. Et il doit garder Trae Young qui nous met le dagger et c'est lui qui doit le prendre quoi. Ça m'a fait penser exactement à ça. C'est sur le premier match et du coup on perd la série, on perd l'entame de série face à eux. Mais ça arrive que parfois il faut mettre un mec long qui a des aptitudes défensives. On le voit assez souvent ces derniers temps, et pas plus tard que dans cette nuit, face au Miami Heat. Lorsqu'il y a quelques secondes en jeu et qu'il faut mettre une line-up défensive, maintenant, il va avoir tendance à sortir Karl Anthony Towns, il va avoir tendance à sortir Jalen Brunson, et remettre des joueurs à des profils défensifs ou avec plus d'envergure. Mais effectivement, c'est stop and go, quoi. T'es sur le banc, vas-y, défends. Pas simple pour des joueurs qui sont à court de rythme, qui n'ont même pas sué, qui sortent du banc, ils étaient en survêt tout du long, et il faut tout de suite arriver à faire un stop défensif. Moi, j'ai une théorie là-dessus, je pense que c'est des contrats qui passent avec Panini, tu sais, pour les cartes, pour les cartes avec des Game Worn, tu sais. Pour avoir des tenues de match portées. Hein. Porter un match, c'est ça. Donc, il a porté. Non, c'est... Il a porté un match, c'est officiel. C'est plus l'approche foutuesse aussi. On met des line-up, des compositions de joueurs offensifs, des compositions de joueurs défensifs. Bon, voilà. Après, ça arrive parfois pour éviter que Karl-Anthony Towns prenne une faute. Il reste 30 secondes à jouer. Bon, vas-y. je te mets un pivot backup qui va venir apporter du poids, de la taille et s'opposer et éviter qu'on se prenne une faute bête et que après ton joueur puisse plus jouer du carton qui suit. Mais voilà, non, effectivement, Darren Wright, on l'a vu deux fois, je crois. Bon, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup non plus. Non, mais en tout cas, deux joueurs sont partis et un rookie est parti à l'infirmerie. C'est dommage, mais pour eux, la saison s'arrête là. Ils auront droit à leur bague en juin, enfin, ou la remise en octobre. Ça, il n'y a pas de souci. Il a joué trois fois, Delon White. C'est bien pour lui. Il a joué trois fois. Parce qu'il en jouera plus. Il a joué 3 minutes 18 contre Boston et la grosse déroute. Ouais. Il a joué 30 secondes, donc la dernière possession là, contre Chicago. Et il a joué 9 minutes. Contre sur l'autre déroute. Sur l'autre déroute de Cleveland, exactement. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il est... Ça sert le garbage, quoi. Il est devant Tyler Colec, dans la rotation, quand même. Eh oui, faut le noter. Bon, des bagues pour Matt Ryan, pour Jacob Toppin, je sais pas, mais un award en fin de saison pour Jalen Brunson, peut-être bien même. Et oui, parce que à force de mettre des paniers dans les moments où ça compte et faire gagner l'équipe, eh ben Jalen Brunson, il est aujourd'hui le favori. Alors ça vaut ce que ça vaut, je sais même pas qui élit d'ailleurs, quel est le panel de votants qui vont élire. C'est des mecs qui regardent des matchs. Ouais, sûrement des nanas aussi. Des mecs et des nanas qui regardent des matchs et qui notent des. Non, est-ce que c'est juste des journalistes? Est-ce qu'il y a aussi un panel de coach? Est-ce qu'il y a un panel de joueurs? Je sais pas qui rentre en considération pour désigner le clutch player of the year. Mais Jalen Brunson, en tout cas, avec ses derniers matchs et ses derniers shoots bien bien clutch, pourrait être ce lauréat cette saison. La saison dernière, c'était pas De'Aaron Fox qui l'avait gagné, je crois. C'est pas un award très très médiatisé. C'est récent. C'est assez récent. Je me demande si c'était pas l'année dernière déjà, la première fois. Deux, trois saisons, je dirais. Mais voilà, on a moins en tête la hiérarchie ou le palmarès de ceux qui ont pu le gagner. En tout cas, Jalen Brunson, il se positionne bien sur cette catégorie-là. Ça va être compliqué d'aller chercher le MVP. On verra dans le MVP Leader de NBA.com. 2022-23, la première fois. La première année, ça a été Steph Curry qui l'a pris. Ah oui, pourquoi pas. Et la deuxième année... Ah non, pardon. Le premier qu'il a eu, c'est De'Aaron Fox. Exactement. D'accord. Et l'année dernière, c'est Stephen Curry. Ok, je sais pas pourquoi, mais voilà. Admettons, il a dû faire une belle saison. Les Warriors un peu. je te dis ce que Wikipédia me raconte. Hein. Donc, okay. Voilà. On va faire confiance à Wikipédia. Là-dessus. Et on va surtout faire confiance à Jalen Brunson pour continuer de faire gagner les Knicks dans les derniers instants. C'est une catégorie qui considère le nombre de shoots marqués dans les matchs serrés avec dans les temps de dernière minute. Donc voilà, c'est. Je savais qu'il existait le. Il y a un cahier des charges. Le NBA Hustle Award. Non. C'est le joueur qui arrache le plus de rebonds alors que l'autre l'a dans les mains. Enfin là-dessus, c'est. Ouais, ouais, faut aller chercher cette. Et il décernait depuis 2017 aux joueurs qui utilisent donc au mieux son combativité pour aider l'équipe à gagner soir après soir. Waouh. Voilà. Et ça se base pas sur des stats précises. Ouais, c'est au pif, quoi. Ouais. T'as lui. C'est le trophée du meilleur combattant du Tour de France. Lui, il est pas mal et hein, il est combatif. Donc ouais. T'as eu Patrick Beverley qui l'a eu. T'as eu Amir Johnson quand même. Okay. Marcus Smart qui l'a eu trois fois. Oh. Montrezl Harrell. Thaddeus Young. Et l'année dernière, Alex Caruso. Tiens donc. Allez, voilà. On pourrait peut-être positionner un petit Josh Hart là-dedans. Mais bon, on verra sur la liste, les finalistes, les nominés sont. Donc, ouais, tu vois, Jalen Brunson, moi je mettrais ma petite pièce sur le trophée de Clutch Award. Josh Hart pourrait pas l'avoir celui-là. Josh Hart, ça va être compliqué. Hein. Juwan Howard aussi, Juwan Howard Junior, je sais pas. Est-ce que Josh Hart pourrait pas l'avoir celui-là aussi de trophée? Pourquoi pas? Ça serait sympa, tu vois. Qu'il y en ait un qui est le clutch et l'autre le hustle. Et puis voilà, il pourrait fêter ça autour d'un épisode de podcast. Voilà, il pourra en parler, exactement. Bon. Dites-nous en commentaire si vous pensez que JB va l'avoir ce trophée de clutch. Et si c'est pas lui, est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre? Moi j'ai du mal, mais après je regarde que les matchs Knicks. Donc c'est peut-être possible pour ça. Allez, des matchs Knicks, justement, la semaine dernière, il y en a eu combien? 1, 2, 3. Combien de victoires? 1, 2, 3. Voilà, c'est très simple, c'est facile. Allez, rubrique suivante. Non, alors, trois matchs pour les Knicks la semaine dernière. Le premier qui se jouait au Madison Square Garden, qui se jouait contre les Philadelphia Sixers. Il n'y avait pas Joel Embiid, il n'y avait pas encore Mitchell Robinson. On était sur une titularisation d'Ariel Porti, malheureusement 16 minutes pour lui. Et voilà, blessure fin de saison. Il a été plutôt bien secondé par Precious Achiuwa, hein, qui a fait 31 minutes derrière. Et on jouait voilà, sans Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns qui était un petit peu au repos après son dunk un petit peu bizarre dans la défaite face aux Celtics la semaine d'avant. Il avait quand même continué le match parce qu'il était chaud, mais c'était aussi bien de souffler un peu face à une équipe des Philadelphia Sixers qui en était sur 7 ou 8 défaites consécutives au moment où on les recevait. On a prolongé leur série de défaites. Mais ça a été plus compliqué que prévu. Les Knicks ont plutôt bien démarré la rencontre. Donc on se dit, bah, c'est bien, on va se profiler sur un blowout des familles. Et ça va permettre de faire tourner l'effectif. Pourquoi pas voir Matt Ryan, Jakob Toppin, Tyler Kolek. Non, parce que ça a été plus compliqué que ça. Parce que tout simplement, Paul George s'est réveillé. Il a dit qu'il faisait une pause avec les playoffs, sûrement. Mais avec le podcast, c'est sûr. Il s'est réveillé en seconde mi-temps. Pourquoi est-ce qu'il a pour se concentrer sur le basket, pour permettre quand t'es un joueur NBA, c'est bien. Pour permettre aux Sixers d'être compétitifs dans le but de gagner le championnat. Ah, j'ai pas suivi la dernière blague de gagner le championnat. Oui. Après, il a pas dit quand. Il voulait gagner le championnat. Il met pour l'instant en pause. Il fait de l'humour. Ah, peut-être qu'il prépare un stand-up. Ça, c'est. Peut-être. Ça, il a pas le dit. Le comique, Polo le comique. Ça, il a pas dit non plus. Mais c'est la version officielle. C'est parce qu'il met de côté les podcasts pour se concentrer avec les Sixers pour gagner le championnat. Et là. Je crois que LeBron James fait pareil. À un moment donné, il coupe les réseaux sociaux pour être vraiment full focus. Ouais. La régulière, 82 matchs. Bon, je suis un peu sur Twitter, TikTok, tout ça, je fais des trucs. Mais LeBron, il les gagne. Le problème, c'est ça. C'est que LeBron, il les gagne. Paul George, c'est. Je suis pas sûr que ça soit un très très bon retour sur investissement pour le moment. On verra. Hein. Après, c'est sûr que s'il arrête le podcast pour faire gagner le championnat. Peut-être que nous, on va songer à faire la même chose, d'arrêter de faire des émissions et essayer de gagner un championnat NBA. Je ne sais pas si ça va marcher. Je pense qu'on a peut-être intérêt à continuer nos épisodes. Mais voilà, en tout cas, Paul George, il s'est quand même réveillé en seconde mi-temps et ça a aidé les Sixers à recoller. Les Knicks ont eu des petits moments de flottement et ils se sont fait peur face à ces Sixers qui étaient un petit peu accrocheurs. On a quand même un Tyrese Maxey qui, quand il a envie, quand il est décidé d'aller au panier, il trouve des solutions pour aller au panier. Et ça a été compliqué pour New York. Alors oui, il y avait pas Karl Anthony Towns, donc c'était un match où il manque une pièce maîtresse dans le jeu. Heureusement, on a un bon Jalen Brunson, hein, 34 points, encore une fois. On a un Josh Hart qui score pas tellement, 7 points, mais qui a bien compensé l'absence de Karl Anthony Towns au rebond. Il en est à 17 prises sur la rencontre. Alors il shoot pas beaucoup, 3 sur 5 et pas un tir à 3 points de prix. Donc voilà, Josh Hart, il était en mode « Ok, Kat n'est pas là, moi je prends les rebonds. » Donc, ouais. Sa mission était relativement simple et claire à comprendre. On a Ojen Nubi qui nous fait un petit 16 points, 9 rebonds. Bon, il y a eu de la présence au rebond en l'absence de Kat. Mikal Bridges, sur ce match, il a décidé, en début de match en tout cas, de prendre les choses à son compte. Et il a fait quoi, 14 points à 100% de réussite pour lancer la rencontre. Donc là, on s'est dit « Super, un bon Mikal ». Très bien, il termine la première mi-temps, je crois, à 20 points. Après, il disparaît. Et puis, en seconde mi-temps, bah, je crois pas qu'il soit sorti de la douche. Il n'est pas sorti des vestiaires, il a dû passer un peu plus de temps. Mais voilà, on a eu un bon match de sa part avec 28 points, certes, mais un peu Mika bien réparti. Mika Bridges, en deuxième mi-temps, il prend 3 tirs. Dans le troisième quart, donc... Il marque un 3 et un 2, et dans le quatrième quart, il marque 2 paniers, il prend 4 tirs, et il marque... Ah, curieux son match. Et il marque 2 paniers à 2 points, et voilà. Curieux son match, parce qu'on le sait, au retour des vestiaires dans le troisième quart-temps, les titulaires sont alignés. Après, effectivement, quand on a un Miles McBride qui apporte de la défense pour embêter l'adversaire, ça marche d'un point de vue défense. C'est peut-être pas forcément des grosses stats offensives. Et c'est vrai que sur ce match-là, il nous fait que 6 points, Miles McBride. Mais voilà, ouais, Mikal ouais, c'était jour-nuit, on-off. Il était marqué très fort la rencontre. Et après, le deuxième quart, il disparaît. Le deuxième quart, il prend un tir qui rate. Après, le deuxième quart, voilà, il passe un petit peu plus de temps sur le banc alors qu'il a dû faire quasi la globalité du premier. Mais voilà, en tout cas, la deuxième mi-temps n'est pas à la hauteur de la première. Heureusement, les Knicks gagnent. Au final, lui fait dans la globalité une bonne rencontre. Mais ça manque de constance et de régularité. Et c'est un peu le souci qu'on a avec Mikal Bridges sur cette saison régulière. Il a eu des actions plutôt clutch défensivement aussi, donc tant mieux. Ça évite d'avoir une défaite plus qu'embarrassante face à des Sixers qui sont, eux, dans une situation et une saison régulière très embarrassante. Mais voilà, les Knicks se sont fait peur, les Knicks gagnent, tant mieux. Ça permettait de se relancer après la double déroute face aux Cavs et aux Celtics. Mais il faut relativiser le niveau de l'adversaire. Oui, Paul George s'est réveillé. Oui, Tyrese Maxey fait des bonnes choses. Oui, Kelly Oubre, par moment, et surtout en première mi-temps, ça a été aussi le joueur des Sixers. Il n'y avait pas de Gershon non plus. Donc, un secteur intérieur qui était un peu plus démuni qu'à l'habitude. Mais voilà, sans Karl Anthony Towns non plus, il n'y avait pas un intérieur côté Knicks pour pouvoir profiter de ça. Je sais pas si tu as d'autres souvenirs de ce match, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné les victoires et on reste surtout sur la dernière qui a été arrachée au forceps. Mais voilà, c'est pas le meilleur match de la semaine, c'est un match victorieux quand même. Ouais, bah tous les matchs sur ces derniers matchs. Mais... non, mais ouais, t'es à 45-61 à la fin de la première mi-temps. Tu te dis, voilà, bon, là on pose contrôle, et puis tu perds pied, eux nous agressent, on sait pas quoi répondre. Et puis ça grignote, tu vois, troisième quart 29-22 et le dernier 31-27. Tu gagnes parce que bah, t'as un Jalen Brunson qui prend les choses en main. Mais ouais, c'est, on s'est fait peur et disons que si défaite qu'il aurait dû avoir, elle aurait fait mal à la tête. Tu vois, encore les autres, bon, tu vois, t'as pris une branlée par les deux meilleures équipes de la NBA. Tu peux entre guillemets le concevoir. Après, il y a la façon de faire et on sait que la façon ne nous plaît pas. Mais ça, sur le papier, que la meilleure équipe gagne, ok. Là les Sixers, dans la panade dans laquelle ils étaient, arrête podcast ou pas, bon, t'as normalement un ascendant psychologique par rapport à ce genre d'équipe, quoi. Bah, qui vient jouer chez toi. Bah, c'est ça. Bon, après, des défaites comme ça, cette saison, on les a connues. Hein. Les matchs contre Orlando qui étaient décimés, des matchs contre je sais plus quelle équipe là, pareil. Par les blessures. Bon, Chicago, on a perdu deux fois contre Chicago. Bon, voilà, il y a des équipes. On a laissé en route des victoires qui étaient prenables sur le papier. Alors, ça arrive dans une saison régulière de 82 matchs. Mais voilà, on se dit mince, des fois, il faut sécuriser à la maison ce genre de victoire qui fait que après, tu es bien positionné au classement. Heureusement, on s'en sort bien. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le Mikal Bridges du premier quart. J'aurais aimé qu'il soit encore une fois plus combatif. Et puis Jalen Brunson qui nous sauve la mise. Ce match, heureusement qu'on le prend, quoi. Heureusement qu'on le prend. Allez, on va enchaîner sur la rétro de la semaine dernière. Après ce match face à des Sixers qui ont essayé d'être tenaces, et ben on s'est retrouvé avec un déplacement à Memphis. Et là, bah, c'était autre chose parce que Memphis, c'était les deuxièmes, troisièmes, je sais plus, parce que le classement dans la conférence ouest, il change. Mais bon, voilà, en tout cas, on est sur des équipes top de la conférence ouest. Et forcément, un déplacement à Memphis qu'on avait battu largement sur la première confrontation au Madison Square Garden. On s'attendait à voir une réaction, une opposition tout autre que celle face aux Sixers. C'était le retour de Karl Anthony Towns. Bon, ça, il faut le dire, parce que on n'a pas retrouvé un super Karl Anthony Towns. 11 points, 7 rebonds, c'est pas vraiment dans ses standards. 31 minutes de temps de jeu, ok. Il y avait le retour de Mitchell Robinson, donc on attendait de voir un petit peu quelle utilisation ça allait se faire. Mais ce sont clairement les intérieurs de Memphis qui ont dominé, ultra dominé. Il y a quoi ? Il y a 20 rebonds d'écart à la fin de la rencontre. Le secteur de la raquette et les Knicks ont été à la difficulté tout le long de ce match, clairement. Donc c'est un match accroché, c'était un match un peu ambiance playoff. C'était un match, il n'y avait jamais d'écart vraiment définitif dans la rencontre qui permettait de dire bon, ça y est, il y a une équipe qui a lâché ou il y en a une qui prend l'ascendant. Ça a fait le yo-yo tout le temps quasiment dans cette rencontre. Mais voilà, c'est encore une fois un match qui s'est décidé dans les derniers instants. Il a fallu être clutch, il a fallu apporter des solutions défensives, là, on avait du mal à en avoir, clairement. Et puis, ça aurait très bien pu basculer côté Memphis, hein, parce que ça se joue sur quelques actions de Jamorant qu'il a l'habitude de prendre, des ballons qui roulent et des claquettes qui tombent pas dedans. On a fort heureusement quelques paniers à 3 points bien clutch, Jalen Brunson, surtout OG Anunoby. J'ai pas mémoire d'avoir vu un tir de la gagne d'OG depuis qu'il est arrivé à New York. Et bah, cette fois-ci, il le tient. Alors, c'est pas un shoot au buzzer, c'est pas un shoot sur la toute dernière action, puisqu'il y a une attaque derrière des Grizzlies. Mais en tout cas, c'est lui qui apporte les derniers points qui font passer New York devant et qui font gagner la rencontre. Un match plaisant. Enfin, moi, j'ai aimé ce côté match accroché tout du long, même si j'aurais aimé que New York se fasse moins dominer dans la raquette. Mais un match voilà, où il y avait beaucoup d'incertitudes tout le long de la rencontre, de savoir qui allait réussir à prendre l'avantage à la fin. Zakidi, qui a fait de belles choses hein, pour un rookie, et qui a mené la vie dure à Karl Anthony Town. Jared Jackson Jr. également, qui est un très très bon joueur. Et Jamorant, qui a choqué un peu sur certaines actions à la fin, des shoots un peu pris rapidement. Et voilà pourquoi Memphis ne remporte pas la rencontre. Donc c'est bien, les Knicks font 2-0 face à cette équipe. Mais voilà, ça a été, il fallait la chercher au mental plus que par le contrôle de la rencontre, ce match. Qu'est-ce que tu as en tête, toi, autrement, sur cette rencontre Memphis, déjà, si tu veux, dans leur roster, quand ils attaquent le match, ils attaquent avec deux rookies pour une équipe qui est troisième de la conférence Est. Donc à souligner quand même, hein, parce qu'un Jalen Wells pris au second tour derrière Tyler Colek. J'ai pas vu qui remplace Smart. Parce que Zakidi. Ah oui, depuis son trade, mais. Zakidi est titulaire de quasi toute la saison, je crois. Ah ouais, il est titulaire avec Jared Jackson Jr. Qu'est-ce qu'il est bon, lui. À ses côtés, en mode Twin Tower. Donc ça m'a. Voilà, donc deux rookies, comme quoi on peut faire jouer des rookies et être compétitif, hein, c'est possible. Ceci dit, le Wells, il prend des fautes assez vite sur Jimmy. Le Wells, il fait une très belle saison. Et s'ils en sont là, Memphis, c'est aussi parce qu'il apporte une très belle défense. Donc, comme je dis, ça, comme quoi, on peut faire jouer des rookies et être compétitif. C'est possible. Ensuite, y a deux points là-dessus. On se fait bouffer au rebond. On se fait éclater. 58 à 35. Il n'y a pas photo. Ils en prennent quasiment presque le double de nous, et heureusement qu'ils ont eu une adresse à 3 points pitoyable, à 13%, 4 sur 31, nous on est à 34%, c'est pas non plus la panacée, mais c'est carrément mieux, avec eux, disons que Desmond Bane 0 sur 4, Jamorant 0 sur 6, dont notamment à un moment donné il prend un 3 points assez vite, j'ai pas trop compris pourquoi. Ouais, en fin de match là. Ouais, à un moment donné il le prend super vite. Ah, il veut faire le Hero Ball et faire gagner l'équipe quoi. Après c'est le franchise player, donc c'est souvent que les ballons reviennent à ce genre de joueur, mais il y avait peut-être un meilleur choix à faire à ce moment-là. Santi Aldama 1 sur 6, Luke Kennard 0 sur 4, ouais, ils ont pas été du tout en réussite. Et puis nous, encore une fois en fin de match, défense assez clutch de Mikal Bridges, même s'il est moins brillant en attaque, là tu vois encore une fois 0 sur 5 à 3, mais il nous a sorti encore une belle séquence défensive, et il y a eu le match avec Mitchell Robinson, et tout de suite en fait, on a vu cette espèce d'équilibre qui se posait avec cette encre défensive. Et tout de suite, c'était... Alors oui, il y a eu des backdoors, il y a eu des coupes comme ça dans le dos, des trucs, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tout de suite quand même, t'as ressenti que quand il est rentré... il n'y avait pas la même orientation dans le jeu. On jouait différemment que quand c'est Karl Anthony Towns. On jouait un jeu qui n'était pas pour me déplaire. Et alors offensivement, oui, ok, mais il était dans la raquette à gêner. Mais sur offensivement, mais défensivement, tu sentais que tout de suite... il y avait moins d'attaques frontales, plus compliquées à aller chercher des paniers sur la tête de Mitchell Robinson. Parce que défensivement, les gens le connaissent. C'est un gars qui a des longs segments, qui a quand même une chance du contre. Et tout de suite, en fait, c'était différent. Donc, il tenait son adversaire, ce qui pouvait permettre à Mikal Bridges de pouvoir rattraper le gars. Et on l'a vu faire 2-3 séquences défensives où les deux tenaient presque un peu en tenaille l'attaquant. Donc j'ai trouvé ça très bien là-dessus, à voir. Un bon retour de Mitchell Robinson. En tout cas, défensivement, c'était ce à quoi je m'attends. C'est-à-dire que quand il va falloir à un moment donné dire stop, ou ce type-là, quand il va rentrer, il va nous faire un bien fou. Et à souligner aussi, parce que ça fait quelques matchs qu'il est à nouveau bon. Alors peut-être certains l'ont souligné sur les réseaux, une blessure qui est passée, qui est guérie, et donc désormais il est à nouveau en pleine puissance de ses moyens. C'est Juice McBride Oui, aussi. qui encore une fois, Je pensais que tu allais parler de OG, parce que OG nous fait un très bon match sur ce Oui, match, OG. au-delà de son panier à 3 points, mais défensivement aussi, on le sent plus saignant, quoi. Mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé Ouais. McBride, j'ai bien aimé actuellement ce qu'il fait. Il a de plus en plus de minutes au détriment des fois de De Mikal Mical. Bridges. On en Ouais. reparlera sur le match suivant. Mais en tout cas, voilà, là, ce match-là, Juice parfait. 17 points, 3 passes, 4 rebonds, 2 vols de balles, 7 sur 11 aussi au tir, dont 3 sur 5 à 3 en C'est dans ce 28. match où il met un gros dunk là, ou c'est sur le match face à Miami, j'ai un doute, je sais plus là. Il y en a un où il va nous Ouais, coller un poster. Ouh, vénère le En Miles. ce moment, ouais, il en met pas mal. Je crois que c'est celui-là. Ouais, Je crois que c'est c'est sur ce celui-là, non? match-là, hein. Ouais. C'est sur celui-ci. Ouais, quand il part sur le côté, là, Ouais. remontée de balle rapide, et il va tout seul en costaud. Ouais. Il colle une pastille là, costaud Ouais. quoi. Non, donc, ouais. On retrouve un Miles McBride saignant en sortie de banc, et ça fait du bien, quoi. Et ça fait du Ouais, bien d'avoir. tu en parlais, on voit un peu plus en fin de match, lorsqu'il y a des besoins défensifs, et là sur un match serré, il l'a fallu, Tom Thibodeau qui privilégie McBride. Alors ça va dépendre de l'opposition qu'il a en face, hein. Effectivement, quand on a Baynes avec ses petits bras, un Miles McBride est peut-être plus approprié pour défendre dessus, donc ça va dépendre des match-ups, mais des oppositions à avoir. Mais du coup, ouais, sur ce match, 28 minutes pour McBride, là où on avait auparavant et assez souvent dans la saison régulière un Mikal Bridges qui avait le plus gros temps de jeu de la line-up, enfin de la rotation des Knicks, bah, sur ce match-ci, il a 33 minutes, Miles Bridges. Mikal. Miles. Oh, pardon. Mikal Bridges. Donc 33, 28. Ouais. Le titulaire qui est le plus utilisé, c'est OG Anunoby sur ce match-là. 38 minutes. Karl Anthony Towns, 31. Mais 5 fautes aussi. Il a clairement pas été à la fête sur son match de reprise. Bon, c'était un match de Non, reprise. Donc. vraiment, ouais, là, disons Alors que nos que. caméras sont figées et qu'on a des vieilles tronches, mais c'est pas grave. L'important, c'est que l'audio soit là. Il nous a sorti là deux matchs, le match suivant et celui-là. Pas top. Ouais. Pas top, top. Ouais. Compliqué le retour du gros chat. Bon, victoire, une victoire qui fait plaisir, qui fait du bien au moral pour les Knicks sur cette rencontre. Si on se projette maintenant sur le dernier match, le match de la Floride, le match où nos amis étaient présents à la Kaseya Center, voilà. Et ben là aussi, on avait encore un match compliqué, hein. Les Knicks ont eu La chaud, les Pat Riley Knicks même. ont. Elle porte le nom de Pat Riley là, ça là. Ouais, le court, le Ouais, parquet est signé, le hein, parquet, c'est un ouais. parquet signé, le Pat Riley court. Ouais. Et donc ouais, un match compliqué où bah, les Knicks ont mis du temps avant de passer devant au score. Ça a été très compliqué, jusqu'à 19 points de retard. C'est le plus Oui. gros comeback que les Knicks auront fait cette saison. Alors Oui. il y a eu des plus gros écarts, mais on n'a jamais réussi à finir victorieux après ça. Là, c'est un comeback victorieux. Vous le savez, c'est un match qui a été jusqu'en prolongation. Et cette saison, bah, les Knicks, ils en sont à 5-0. Ils étaient à 4-0 avant cette rencontre. Et bah, ils ont gagné tous les matchs qui ont été jusqu'en prolongation. Donc bon, est-ce qu'il faut aller en prolongation face aux Cavs? Est-ce qu'il faut aller en prolongation face aux Celtics pour gagner? Et tu sais que Peut-être, je sais déjà, pas. si on va en prolongation face à ces deux équipes, il y aura de C'est qu'on l'amélioration. existe. Il y C'est aura de qu'on existe. l'amélioration, Mais déjà. voilà, c'est On ça. prendra pas fessé cul nu, là, à ce moment-là. Après, bon, on va aussi mettre du contexte dans tout ça. Un match au Heat où il manquait des joueurs. Il n'y avait pas Andrew Wiggins. Quel était l'autre joueur qui manquait? Il manque Je ne Raime sais Jaquez. plus. Ah oui, voilà, Jaquez Junior, là, le fameux Mexicano-Americano sur lequel Julius s'était démonté l'épaule, qui était absent sur cette rencontre. Mais voilà, une équipe du Heat qui a encore posé des difficultés dans la raquette face au Knicks. Le rookie, Ware, je sais pas comment on le prononce, ouais, Kelly Ware. Ouais. Qui a fait un chantier pas possible. Oh. Des contres, il en a mis quoi? Il en a mis 5 dans la rencontre. Alley-oop, en veux-tu, en voilà 6. 6 au final, je suis resté à 5. Il s'est régalé en fait. Il s'est régalé là-dedans. Et j'ai pas compris sa non-utilisation en fin de match du côté de Spoelstra. Parce que voilà, il était plutôt bon sur sa première mi-temps. C'est Smith qui a plus joué. Ouais, alors. Voilà, ça n'a pas payé au final. Là où le Heat avait très bien démarré sa rencontre, les Knicks tout de suite. On a eu une opposition de style. On avait le Heat qui marquait tout à l'intérieur. Oh ouais. Tyler Hero, il avait besoin. Clock, vas-y, je mets petit Eurostep, petit layup, ça passe, comme dans du beurre. Et puis inversement, les Knicks qui étaient plutôt dans le mode je shoot de loin. Et ça a permis d'avoir un pseudo match serré au début, mais l'écart s'est fait pour le Heat. Ils ont gratté leur avance. Je donnais pas cher de la peau d'Enix, et puis il y a eu un retour. Il y a eu un retour, encore une fois, aussi amplifié dans le troisième quart-temps. Et un comeback qui s'est dessiné au fur et à mesure. Jalen Brunson, qui n'était pas non plus dans un grand soir en début de match. Mais encore une fois, Jalen Brunson, il choisit plutôt les secondes mi-temps quand il a besoin de faire des bons soirs. Et là, ça a encore une fois fait gagner l'équipe. On a eu un très bon OG Anunoby. Il faut le signaler. On a eu un Karl Anthony Towns. Un peu mieux au global parce qu'on est sur du 19.16 rebonds, mais il a été en difficulté sur une partie de la rencontre. Mitchell Robinson, son deuxième match, bon, c'est un peu plus discret, mais on est dans la dissuasion aussi et on est sur 2 points de rebond en 13 minutes. Bon, voilà, on l'avait vu un petit peu plus fringant offensivement et notamment son dunk en tête de raquette partir solo face aux Grizzlies. Là, offensivement, c'était plus compliqué, juste de la claquette pour pouvoir exister. McBride, encore une fois, plutôt bon, même si dans les chiffres, on pourrait se dire, ouais, on peut mieux faire. Chamed qui joue un peu, Payne qui joue un peu aussi, mais pas trop, hein, 10 minutes, c'est bien. Surtout, on est en match qui va en prolongation, donc on a un gros temps de jeu sur le starting 5, sauf Mikal Bridges, 28 minutes. On a eu plus de Miles McBride privilégié encore une fois pour pouvoir accrocher le match, pour pouvoir défendre mieux que Mikal. Alors lorsqu'il a fallu apporter des grands segments en fin de match et en prolongation pour gêner sur des remises en jeu, là oui, c'est Mikal qui a été utilisé en compagnie de McBride. Mais autrement, c'est un combo, un back court Jalen Brunson et Miles McBride qui a été privilégié lorsqu'il a fallu faire le comeback, la remontada victorieuse des Knicks. Donc ça, c'est aussi quelque chose à souligner, à regarder. Est-ce que ça s'inscrit dans la durée ou pas? Est-ce que finalement, Tom Thibodeau, lorsque les matchs sont accrochés, il a plus confiance en McBride, qui apporte une plus grande intensité défensive, une plus grande mobilité que Mikal Bridges? C'est bizarre, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit sur depuis deux matchs. Mikal Bridges, en termes de mobilité, il est quand même mobile. Ouais, hein, comme je le rappelle, il a fait quand même quelques défenses ultra clutch. Même avec les Knicks aussi. Mais en ce moment, il y en a un qui passe avant l'autre lorsqu'il faut défendre. Sur ce match. Oui, mais même face à Memphis, il y a eu un temps de jeu qui a été un peu diminué sur Mikal. Alors est-ce que Mikal tire un peu la langue? Face à Memphis, tant mieux. Face à Memphis, il finit le match. Face aux Bulls, donc c'était notre victoire avant les deux raclés, je rappelle, et face aux Hawks. Que Mikal Bridges nous sort quand même deux belles occasions. Il y a ça pour lui. C'était pas il y a 30 ans, c'était il y a deux semaines. Non. Mais lorsqu'on prend aussi un pseudo blowout face aux Celtics, en retour de vestiaire, c'est McBride qui est privilégié à Mikal. Oui. Donc c'est Thibodeau diminue le temps de jeu de Mikal. Est-ce que ça va lui redonner un peu plus d'énergie? Est-ce que. Je vais pas dire que Bridges. McBride, pardon, va passer dans le starting 5. Certains aimeraient le voir, mais en tout cas, ça se rééquilibre différemment ces derniers temps. Au final, c'est des victoires, c'est tout ce qui compte, mais à voir comment ça s'inscrit dans le temps. Voilà, À voir aussi, parce que hier, ouais, on est mené de 19 points. Moi, j'étais à deux doigts de partir au lit, de dire c'est bon, de toute façon, cette saison, dès qu'il y a un écart, on revient pas. Bon, finalement, je suis resté devant la télé, regarder le match. Dans le désespoir du truc, bon, tant qu'on est là, on continue à regarder, écoute. La première mi-temps, elle était, mais alors, la première mi-temps de Towns, mais elle était scandaleuse. C'était, mais il était là sans être là, les autres ils rentraient là. T'avais, comme tu dis, t'avais deux styles, mais moi c'était pas tant sur l'offensif. C'est-à-dire que t'avais un style défensif côté Pas Miami trop, pas vraiment de défense côté New York, quoi. qui verrouillait la raquette et qui tabassait tout ce qui bougeait. C'était, mais alors, et puis ils utilisaient une zone qui avait du mal, les Knicks avaient du mal un peu à s'adapter À par attaquer. rapport à ça, et au final, bah, nos joueurs rentraient et ils se faisaient cueillir comme des lapins là, dans un bosquet. Et de notre côté, nous, on était en mode, bah, allez-y, n'hésitez pas, Passez, passez. ah, Faites comme chez vous, faites comme chez vous. voilà, c'est comme McDo, venez comme vous êtes, bah, Ouais. allez-y, regardez le panier là-haut, allez-y. Ah, c'était la première mi-temps, elle était incroyable, une défense intérieure 45-62 à la mi-temps, inexistante. effectivement, ça Oh. donnait pas beaucoup d'espoir. Il fallait un réveil, et il y a eu réveil, et les Knicks aussi ont verrouillé plus la raquette Ah ouais, et en seconde mi-temps. la deuxième Le Heat mi-temps. a arrosé à 3 points sans mettre dedans. Ah, et puis Voilà. ouais, je pense qu'il y a eu coup de pied au cul, il y a eu engueulade, il y a eu ça a dû gueuler dans le vestiaire, Ce c'est qu'on pas dit pas, possible. c'est aussi les gens de la KNF qui sont descendus voir. Ils se sont dit non, mais c'est Peut-être pas. qu'ils sont allés gueuler dans le vestiaire, mais On a fait je sais pas combien de miles en avion là, faut gagner là. quand tu vois premier quart 27-22, deuxième quart 35-23, 27-22, bon, c'est un quart où tu scores pas, à mais perdre, hein. bon. Donc tu perds, hein, tu perds, hein, tu perds. T'étais quand même à moins 5 à la fin du premier, tu finis à moins, je sais plus quoi, 15, un truc comme ça à la fin du troisième. Tu te dis, bon, il y a un écart, tu commences à être à moins 19. Et puis bon, bah, et après, tu gagnes le 3 et le 4, 36-25. Donc déjà, tu refais ton retard par rapport à ton deuxième quart, pas très beau. Et tu gagnes le quatrième, 24-18. Donc, et il y a eu une Et la intensité prolongation gagnée. qui s'est révélée. Il y a une intensité aussi qui s'est révélée, ben, par plusieurs aspects. La première, ben, tu es revenu à un moment donné à moins 8, ben, Karl Anthony Towns n'était plus là. C'était Mitchell Robinson qui était présent sur le parquet. Donc ben, tout de suite, ben, ça. Non mais il était là On quelque l'a part. vu, on l'a vu 2 fois se jeter au sol pour aller chercher des ballons. C'est pas le Aussi. genre de move défensif. Un peu désespéré, hein, se jeter au sol pour aller chercher un ballon. Là, on l'a pas. Mais en tout cas, l'intention de Mitch était bien présente. Et d'entrée de jeu, je crois même, quand Mitch rentre, boum, c'est un contre. C'est un contre direct, quoi. Oui. Donc, Tout de suite, voilà. Bon, ça a fait la ça a changé la différence. donne. Ça donne Voilà. le ton. Quand il est là, c'est sûr que ça défend mieux, ça défend plus en tout cas. Et ensuite, il y a eu cette stat-là qui est tombée. À 7 minutes de la fin, les Miami Heat avaient une cote de victoire de 95%. C'est le moment de mettre l'argent sur les Knicks. Ah, c'est le, et c'est le, c'est à 7 minutes de la fin, c'est le moment où Jalen Brunson est rentré. Tout simplement, voilà. Et on connaît la fin de l'histoire, Donc, victoire des Knicks. Brunson a été un très grand artisan de cette victoire. Il n'a pas été le seul, mais il a mis encore de gros paniers. Et c'est pour ça que voilà, sa cote pour le Clutch Award of the Year, la elle va encore prendre quelques points en sa faveur à l'issue cote de pour cette rencontre. un des meilleurs Knicks, sa cote pour comment ne pas l'aimer, Ça. sa cote comment on peut développer un problème, Jalen Brunson, enfin. Et moi, j'ai eu une grosse frayeur sur ce match. C'est quand Josh Hart, à un moment, retombe lourdement Ouais, sur le dos ouais. après un rebond. Je me suis dit, oh là là, ça a beau être un Warrior, un Iron Man, tout ce que vous voulez, un soldat de l'hiver. Je ne sais pas quel nom d'Avenger ou de Hustle postulant on va lui donner, mais j'ai eu très peur pour lui parce que voilà, une chute comme ça sur le dos, il aurait pu se faire extrêmement mal. Heureusement, il est revenu en jeu. Et puis bah, au final, un moment, quelques secondes après ou quelques séquences après, il vient nous remettre des points. Donc voilà, plus de peur que de mal. Mais voilà, c'était un match physique. On le sait, les matchs face aux Heat sont toujours physiques. Jalen Brunson. Au-delà des clichés des années 90, le Heat, c'est une équipe qui joue dur aussi. Hein. C'est une équipe Jalen, qui joue dur. juste pour terminer, Jalen Brunson dans le quatrième quart. Donc il prend 7 tirs. Il en rate que 2. Il en rate 2 à 3 points. Sinon après le reste, donc il fait un 5 sur 7 dans le quatrième quart. En sachant comme je dis qu'il est rentré à la 7e minute. Donc, enfin, tu vois le. Equal game. Ouais. Et puis il finit en overtime avec un joli 3 et un 2. Il se marque 5 points dans l'overtime. La moitié des points des Knicks dans l'overtime. Écoute, voilà, tout simplement. C'est là qu'on poste ce niveau de joueur. Allez, on termine notre rétrospective par le Nick of the Week. On a fait beaucoup de louanges à Jalen Brunson. Jalen Brunson, il fait une très belle semaine, c'est sûr. On a dit que Karl-Anthony Towns, sa semaine, elle est quand même plus compliquée. Karl-Anthony Towns, c'était notre joueur de la semaine, enfin la rétrospective de la dernière quinzaine. Il avait des sorties à plus de 40 points et ça allait dans son sens. Bon, cette semaine, vous l'avez compris, il y a Mitchell Robinson, c'est un retour plutôt intéressant, mais pour nous, il y a Justin Bryant, belle semaine pour lui aussi. Belle semaine, même si dans les stats, peut-être ça se voit un petit peu moins. Mais bon, Josh Hart, le soldat, mais il l'a déjà eu. Et non, cette semaine, on a décidé de l'attribuer à notre ami en toutoune, celui qui montre que la moitié de son visage Kenny. Lorsqu'il y a des visios. Notre Ogugwa national, Oji Anunobi. Eh ben oui, son panier de la win face à Memphis, c'était pas rien. Memphis, on l'a dit, très belle saison. Ils sont bien revenus depuis le retour aussi de tous les problèmes qu'a pu connaître Ja Morant. Et ils refont partie des équipes qui comptent dans la conférence Ouest. Donc c'était important d'aller gagner là-bas. Là encore, sur ce match face au Miami Heat, il est plutôt bon, notre ami Oji Anunobi. Il termine deuxième meilleur marqueur des Knicks avec 23 points et 9 rebonds. Moi, j'y accorde de l'importance à cette présence au rebond parce que on le sait, les Knicks sont un petit peu en déficit là-dessus. Et même si Karl-Anthony Towns fait 16 rebonds et que Josh Hart en prend 7, 9 rebonds dans un match compliqué physique, c'est important. Et des pourcentages qui sont bons, hein, 4 sur 9 à 3 points pour OG, 9 sur 18 au shoot et 43 minutes de temps de jeu. C'est le plus gros temps de jeu avec Josh Hart. Voilà, on a besoin aussi de ces wing stoppers. Et sur ce match, il a été présent à l'attaque et en défense, OG. On le sent aussi un peu, peut-être sa blessure à la cheville, au mollet, là, qui était un petit peu curieuse et qui l'avait écarté des terrains juste avant le All-Star Break. Et bien là, ça a l'air d'être passé et il a retrouvé quand même plus de mobilité, plus d'intention offensive. Il nous a mis quelques petits dunks qui étaient délicieux encore une fois. Hier, c'était un démon. Le dernier quart, là, l'intensité défensive, elle était... Je prends Tyler Hero, pas de problème. Ah ouais, c'était Tyler Hero, Bam Adebayo, il a pris tout le monde. Il les a regardés dans les yeux. Il met un contre aussi. C'est cool. Ouais, aussi un moment. C'est, ben justement, je crois que c'est Kellen Ware qui veut prendre un shoot à 3. Là. Il va le contrer en haute altitude. Enfin, c'est. Ouais. Oh, quand même. C'est Tyler Hero qui contre à 3 points aussi. C'est Tyler, ouais. Et bref, magnifique. Là, tu te dis, quand ce type-là joue à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on est allé le chercher, quoi. Mais il faut qu'il joue à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'il ne peut pas arriver à tenir ce niveau-là pendant 40 minutes, c'est évident. Mais il faut que, quand les Knicks sont dans la course à la victoire dans le dernier quart-temps, il faut que ce type-là joue à ce niveau-là dans le dernier quart-temps. Ouais, parce qu'on a Jalen Brunson, encore une fois, qui est plutôt bon, même s'il ne faut pas regarder le pourcentage de tir à 3 points. Hein. 3 sur 11, c'est un peu forcé là-dessus, mais 31 points, il fait son match. Karl-Anthony Towns, il fait pas un grand match, et pour autant, il finit à 19 points, 16 rebonds. Donc, on va dire qu'on est dans les standards. Ouais, mais alors, faut pas regarder les stats là, hein, pour analyser son match. 1 sur 4 à 3 points, il a pas forcé à 3 points. Non, mais après, derrière, il nous a. Bizarrement, mais 6 sur 11. Il nous en a coûté beaucoup des points. Défensivement, et voilà, première mi-temps, si on est à la rue, c'est en grande partie de sa faute. Mais voilà, autrement, statistiquement, point rebond, il est dans ses standards. Mais par contre, voilà, les Knicks ont besoin, et on l'a dit, on l'a répété plein de fois, il faut que Mikal Oji, il y en a un des deux qui apporte sa contribution à 15-20 points pour pouvoir compléter ce duo qui est le duo de All-Star qui est JB et Karl-Anthony Towns. Donc voilà, Oji l'avait pas eu, il était temps, et cette semaine elle est plutôt bonne, et on pense notamment à son shoot à 3 points de la gagne face à Memphis, donc c'est tout naturellement que c'est notre Knickerbocker of the Week. Voilà, c'était pour la rétrospective. Maintenant, on a gagné 3 matchs. Peut-être qu'on pourra en gagner 3 autres de plus, je sais pas. Ça pourrait faire une très belle série. On regarde tout de suite ce qui se présente sur le programme des Knicks cette semaine. Allez, c'est parti. Well, Alors, le programme de la semaine, et puis un petit coup d'œil aussi sur le ranking. À l'heure où on parle, bah, les Knicks ont joué leur 60aine de matchs, et on est avec bilan de 40 victoires, 20 défaites. Tout pile. Voilà, on est pas mal. Je sais plus quel était ton pronostic de début de saison, de savoir jusqu'où les Knicks se montraient. Je crois, moi, j'étais à 53 ou 55 wins, un truc dans le genre. Et je me dis qu'avec voilà, les 22 matchs restants de régulière... Je sais pas si j'avais donné les 50. C'était projeté. On regardera sur l'épisode de rentrée. Mais en tout cas, les Knicks font une belle saison régulière. 40-20, c'est 40-20, ça nous donne le quatrième meilleur bilan. Parce que, de la ligue et le troisième de. Puisqu'on a Cleveland qui est à 50-10. Boston en 43-18. Mais avant ça, donc on a Cleveland devant. Ensuite, on a Oklahoma City en 49-11. Ensuite, on a Boston en 43-18. Puis nous. 40-20 et derrière complète le tableau de ce top 5 avec les Lakers en 38-21. Ouais. Conférence Ouest, on regarde moins parce que nous on s'occupe du classement de l'Est et il faudra sortir de l'Est pour après se frotter ou pas au vainqueur de l'Ouest. Mais en tout cas, les Knicks, voilà, sont malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les errements défensifs, malgré le 0-7 face aux très grosses équipes, eh ben, on fait partie du top 5 de cette ligue et même top 4. Donc. C'est plutôt convaincant en termes de bilan comptable. Mais le bilan comptable, c'est une chose. Il y a la façon de jouer et il y a les adversaires. Et cette semaine, bah vous le savez, nos amis de la KNF continuent leur voyage et retournent à New York pour voir qui l'autre, là, nuit, là, night. Steph Curry qui sera accompagné du monsieur à la mèche que j'ai sur le t-shirt là. Enfin voilà, il est là, voilà. Jimmy Butler, on pensait le voir à Miami. Évidemment. Eh ben non, il sera où? Il sera aux Warriors. Il a encore toute sa place sur ce t-shirt du voyage, le t-shirt officiel du grand KNF Trip. Donc, match dans la nuit de mardi à mercredi. L'heure est affichée en dessous. 1h30. 1h30, ouais, ben voilà, c'est un match aux heures habituelles. Ouais. New-Yorkaise. Ça va changer. Hein. Derrière. Ça va changer. Les heures vont changer. Ouais. Les heures, on va bientôt passer sur le changement d'heure. Je ne sais plus quand est-ce que c'est, mais on vous dira. Non, mais c'est pas ça. C'est que quand on va passer à la côte, sur la côte ouest. Ah, bah oui. Côte ouest, les matchs sont tout de suite un petit peu plus tard pour nous dans l'Hexagone. Et les Knicks vont commencer un gros road trip aussi à l'ouest. Et ça va commencer par une étape à Los Angeles. C'est bien, à Los Angeles, il n'y en a pas une, mais deux équipes qui jouent maintenant dans deux salles différentes. Donc ça sera aussi le premier match des Knicks à l'Intuit Dome. Mais avant ça, ils iront, non pas au Staples Center, à la Crypto.com Arena, affronter les Lakers de Luka. Et de LeBron, et de Brownie, et de Tyler Connect, là, je sais pas quoi. Les Lakers qui s'étaient imposés face aux Knicks. Reeves. Austin Reeves aussi, oui. Ryu Hachimura, enfin tout ça, quoi. Tout ça coaché par JJ Redick. Et donc, derrière, le match pour finir la semaine, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi face aux Clippers de Batum, Kawhi, Harden, tout ça, quoi. Voilà, donc une semaine full West Coast. On a trois équipes de la West à jouer. Les Knicks ressortent d'une semaine de trois victoires. On va voir ce que ça peut faire cette semaine. Seb, tu nous donnes un petit peu les forces en présence. Est-ce que les équipes sont sur des bonnes dynamiques? J'ai l'impression que oui, ça va peut-être se corser. Ben ouais, bref. Ben écoute, l'Ouest, qu'est-ce qui se présente? L'Ouest, là, on va le jouer à fond. On va le jouer à fond. Là, j'ai fait récemment un petit tableau. Là, tu vois, je m'ennuyais. Je vais regarder un petit tableau. Actuellement, les confrontations Est-Ouest sont à l'avantage de l'Ouest avec un bilan de 35% de victoire de l'Est sur l'Ouest. Donc, c'est vraiment pas glorieux. Seules 4 ou 5 équipes sont en positif sur les équipes de l'Ouest. Et les Knicks en font partie. Alors peut-être pas beaucoup, mais voilà. Alors et là, ben là, on va pouvoir se jauger puisqu'on va jouer cette fois l'Ouest, donc ça va être sympa à voir. Alors concernant Golden State, eh ben Golden State avec l'arrivée de Jimmy B, ben ça va mieux pour eux, même si ils ont perdu étonnamment contre Philadelphie. Mais, mais avant ça, ils étaient quand même sur une série de 5 victoires consécutives avec alors, Orlando, Charlotte, mais après ils avaient fait Dallas, Sacramento, Houston, donc c'était quand même pas mal. Au rang des blessés, ils ont Jonathan Kuminga qui est out et Jimmy Butler qui est annoncé en day-to-day. Donc, à voir, mais normal. C'est d'ici là, il a le temps à venir. Ils vont pas jouer d'ici mardi soir. Il annonce au retour sur Charlotte, c'est-à-dire juste avant nous. Ah. Mais par contre, ils seront en back-to-back. C'est-à-dire qu'ils feront Charlotte et les Knicks. Donc. Ah oui, d'accord. Non. Il joue ce soir. Oui. Il joue ce soir contre Charlotte. Voilà, donc à voir ce que ça va... Est-ce qu'il est ménagé ou pas? Est-ce qu'il fait le back-to-back? Est-ce qu'il choisit plutôt de jouer les Knicks que Charlotte? La dernière fois qu'ils ont joué Charlotte, ils ont gagné 128 à 92. Donc normalement, ça laisse une marge de manœuvre pour pas trop tirer sur les joueurs. Voilà, petite victoire. Donc, à voir ce que ça va faire. Ensuite, Los Angeles sont hyper en forme. Alors, on parle de Los Angeles Lakers. Voilà. Donc, juste pour rappel, Golden State 32-28 le bilan. Donc, Los Angeles est à 38-21. Eux, là, actuellement, c'est remontada de folie. Puisqu'ils sont maintenant deuxième de la conférence Est. Ils étaient quatrième ou cinquième avant l'arrivée de Luka Doncic, le Bibendum. Et écoute, là actuellement, ils sont sur 6 victoires consécutives. Pas mal, hein. Ils ont tapé 2 fois d'affilée les Clippers. Ils ont fait Minnesota, ils ont fait Dallas, ils ont fait Denver. Ils ont fait Portland qui était en forme. Donc, actuellement, ils sont... Une équipe qui est sur une bonne dynamique aussi, même si Luka fait des stats plus ou moins à son... Un petit peu en deçà de ce qu'il pouvait faire avant, après. Ah bah, Luka, dernier match, celui en date, c'est cette nuit, 29.9 passes. Oui. Va. Luka, dernier match, avant ça, contre encore une fois les Clippers, 31.5 passes. C'est plus les pourcentages au shoot, les pourcentages au shoot qui Luka sont discutables, mais... Luka contre Denver... 32 points, 10 rebonds, 7 passes, ça va. Non, je parlais des pourcentages au shoot. Oui. Et avant ça, contre Dallas, il nous fait un triple-double. Ah, normal. Il avait un petit message à faire passer. Donc, on va savoir pourquoi. Oui, les pourcentages. Mais après, c'est du Luka. Hein. Il prend des tirs que certains ne prendraient pas. Mais en attendant, bon. Il chiffre, il stat. Il stat pas dans le vide, puisqu'il gagne. Ah, il y a les victoires. Donc, écoute. Et puis c'est un joueur qui doit aussi trouver ses marques par rapport à une nouvelle équipe et jouer avec LeBron, on le sait, c'est pas non plus... Depuis février, ils ont perdu que 2 fois, tu vois. Depuis février, ils ont perdu Utah et Charlotte. Bon, Charlotte, pourquoi pas. Mais ils ont perdu que 2 fois, tu vois. Depuis ça, ils ont fait une première série de 6 victoires et là, ils sont sur une deuxième série de 6 victoires. Avant nous, ils vont jouer la Nouvelle-Orléans, les Pelicans, qui sont en forme. Les Pels sont mieux, sont beaucoup mieux ces derniers temps. Bon, ils partaient loin. Et au rang des blessures, ils ont Maxime Kleber qui est out. Ils ont Rui Hachimura qui est out. Donc, à voir s'il va revenir. Et ils ont Austin Reeves qui est out aussi. Et ça, ça leur fait mal. Donc, à voir l'effectif qu'ils vont avoir contre nous. Ouais. On les jouera dans la nuit de jeudi à vendredi. On est en back-to-back hein, sur cette fin de semaine, on ne l'a pas dit. Oui. Après, effectivement, jouer à Los Angeles, bah, il n'y a pas vraiment de déplacement. Donc, bon, là-dessus, ils prendront un quart pour aller dans une salle plutôt que dans une autre. À eux de bien choisir leur hôtel. Et enfin, donc, les Clippers, là, pour le coup, eux, ça ne marque le pas. Qui étaient bien, hein, ils étaient bien partis, ils faisaient une bonne première partie de saison. Et puis là, tu vois, à la contrario, les Clippers, depuis février, ils ont gagné que 5 fois pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matchs. Donc, c'est carrément moins bien. Leurs seules victoires sont contre Chicago, sont contre Utah, contre Memphis, et contre Utah 2 fois et contre Memphis. Voilà. Et contre Charlotte. Après, sinon, ça a perdu 2 fois contre les Lakers, ça a perdu contre Indiana, ça a perdu contre Détroit, contre Milwaukee. Donc actuellement, ça marque un peu le pas du côté des amis Angelinos. Ouais, Clippiens. eux sont au même bilan quasiment que le Golden State, avec un bilan de 32-28. Et concernant leurs blessures, ils ont Ben Simmons, qui est out. pour changer. J'ai rien dit. C'est le renouveau. C'est Ben Simmons, le renouveau. Et lui, tu sais qu'il arrive en fin de contrat cette saison-là. qui va lui poser du pognon sur la table à ce type. Bah après, ça dépend combien, mais voilà, on m'a dit, j'ai entendu dire, ouais, mais moi, Ben Simmons, je l'aurais bien pris pour relancer le joueur. Ouais, mais ça fait un moment que tout le monde essaye de le relancer, quoi. Il y a un moment quand t'enchaînes les blessures, ouais, t'arrives pas à te relancer toi-même, en fait. Je sais même pas c'est quand il remonte son dernier match à Ben Simmons, parce que c'est vrai que. Je crois que c'était à Philadelphie, je crois. Ah, si, ça va, il avait joué le premier match, quoi. Non, non, non, mais oui, il a dû faire quelques bouts de match comme à Brooklyn, si, il avait joué. Il a joué, son dernier match, ça avait été la première défaite contre les Clippers. Contre les Lakers, pardon. Il avait joué 16 minutes. Donc, non, ça va, je suis mauvaise langue. Donc, Ben Simmons est out. Norman Powell est out. Ouais. Donc, ça aussi, ça par contre, donc, lui. Il fait une belle saison. Ouais, il était border All-Star, hein, certains parlaient, tu vois. Et Derrick Jones Jr. aussi. Et out. Donc les Clippers sont un peu en deçà, même s'ils ont un Kawhi retrouvé, tu vois, avec ces derniers temps. Et là, il a marqué 33 points, 10 rebonds. Avant ça, il était présent. Harden aussi, toujours bon. Zubac. Mais ça marque le pas. Il faudra se méfier de cette équipe des Clippers qui reste talentueuse. Et avant nous. Et pour sûr, on sera en back-to-back en plus. Donc voilà, même s'il n'y a pas de déplacement au sens comme on a pu avoir certains back-to-back, il faudra se méfier quand même de l'enchaînement. Et avant nous, ils vont jouer Phoenix et Détroit. Ouais. Pas facile, hein. Dis donc. Phoenix, ça devrait aller tranquille, mais Détroit. Ouais, il faut se méfier. Ouais. Donc Phoenix. Qui, et Détroit. Qui se dit que l'année dernière, on aurait dit ça comme ça? Ouais, Phoenix tranquille, par contre, Détroit, c'est chaud. Après, c'est des histoires. Et tu sais, c'est comme souvent discuté, c'est des histoires de cycle. Tout est une histoire de cycle. Phoenix, il est mort depuis un moment, le cycle. Pendant longtemps, on disait, oh, c'est Sonic, c'est tout, machin. Rappelle-toi, attention à la renaissance du Phoenix. Hein. J'avais écrit une note là-dessus en expliquant que tout était une histoire de cycle. Là, en fait, Détroit ont mangé leur pain noir. Peut-être que là, ils partent pour une décennie, tu vois, où ils vont jouer les playoffs. Donc, regarde-nous les Knicks. Ça, on verra. Le plus dur, des fois, reste aussi de confirmer une bonne saison. Et on leur souhaite, en tout cas, de retrouver de la compétitivité. Tu prends les Knicks, ça pourrait faire un premier tour de playoffs contre les Knicks. Hein. Ouais, bah, après, je pense que l'expérience jouera sûrement pour nous, mais ce ne sera pas cadeau. Tout est une histoire de cycle. Après, il suffit qu'à un moment donné, il y ait quelques joueurs qui restent, un bon coaching staff, et puis tu lances une machine. Donc le Détroit. On voit que côté Lakers, on est reparti sur un nouveau cycle avec un certain Luka Doncic. Côté Warriors, à voir si cet effet Jimmy Butler peut durer. Côté Clippers, c'est un peu l'incertitude. Ils ont bien fait de ne pas prolonger Playoff P, visiblement. Mais est-ce que pour autant, ça sera digne, synonyme de succès? Ils doivent avoir, je pense, le tiebreaker sur les Warriors, puisqu'ils ont exactement le même bilan, mais les Clippers sont devant. Donc ils sont à 32-28 les deux, mais les Clippers... Et dans les dynamiques du moment, l'effet Jimmy Butler a l'air de plutôt et après, bien prendre dans les dynamiques du moment, t'as les Warriors, ils sont sur une défaite, et les Clippers sont sur deux défaites. Bon Seb, les traditionnelles questions pour boucler cette émission, il y en a deux. D'abord, le match immanquable de cette semaine, lequel est-il? Sachant qu'on n'est que sur des équipes de l'Ouest, est-ce que tu ne manquerais pour rien au monde l'affiche face aux Warriors, face aux Lakers ou face aux Clippers? Sachant que tu vas regarder les trois. Les Lakers, parce qu'il y a un petit peu peut-être une revanche. Les Clippers, on ne les a pas joués encore, les Warriors non plus. Mais les Lakers, ouais, forcément. Ouais. Alors bon, je vais dire, pour être avec le cœur et avec mes amis qui seront au Garden, forcément, la réception des Warriors, parce que c'est pas n'importe quel match. Mais effectivement, les Lakers, qui est ma deuxième équipe de cœur, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on raconte, ça serait marrant de voir les Knicks prendre leur revanche là où ils se sont normalement renforcés avec l'arrivée de Luka Doncic. On verra, mais ouais. Bon, allez, je vais dire les Warriors, moi. Comme ça, toi, tu dis les Lakers. Et puis, finalement, personne regarde les Clippers. Ok. Alors, le bilan, le pronostic. Bah, la semaine dernière, tu m'avais suivi. 3-0. C'est trop facile. C'est toi qui m'avais suivi. 3. Non, c'est moi. C'est moi qui ai commencé. Tout est enregistré. Cette semaine, il va falloir se mouiller, il va falloir se lancer. Il y a 3 victoires ou 3 défaites. Ou un petit peu un panachage de 1-2. Je te laisse te lancer en premier. Qu'est-ce que tu vois sur cette semaine complètement West Coast, même s'il y a un match au Garden? Qu'est-ce que vont nous faire ces Knicks? 3 victoires, bonne dynamique, on a retrouvé Mitch. Ok, il y a Ariel qui est blessé, mais bon, voilà. Peut-être qu'on va avoir un mec en bout de banc, en two-way contract en plus, mais bon, ça devrait pas changer la donne. Est-ce que Karl Anthony Towns, il va se remettre un petit peu d'équerre là ou pas? Bon. Qu'est-ce que tu nous pronostiques sur cette semaine? Ben, quand tu regardes un peu nos 7 derniers matchs, tu vois, on gagne nos victoires. C'est plus 1 après prolongation contre les Hawks. C'est plus 2 après prolongation contre les Bulls. C'est plus 5 contre Philadelphie dans le scénario qu'on a parlé. C'est plus 1 contre Memphis. Et c'est plus 4 en prolongation contre le Heat. Et au milieu de ça, tu nous rajoutes 2 blowouts. Et t'as nos 7 derniers matchs. Donc c'est C'est pas pas évident. évident. C'est pas évident. On gagne de justesse. Il y a actuellement, ouais, on a du mal un petit peu, même si on a fait là un comeback de 19, On c'est n'est pas cool. dominant, quoi. On n'a pas de match où on se met à l'aise. Ouais, Enfin, là ça contre Philadelphie, oui, mais on se fait rattraper. fait 2 semaines, ouais, où on n'est pas évident. Alors, le bilan, écoute, je vais te le dire, et tu vas le savoir, Et on va le noter. et on va le noter. Le bilan sera de 1-2. D'accord. Une Contre victoire. qui? Compte une victoire contre les Clippers sur le deuxième Oh, match. Le ok. deuxième match en back-to-back. Mais par contre, on perd contre les Warriors. Et encore une fois, sur un finish, on perd contre les Warriors. Et je nous sens dominés contre les Lakers qui sont en pleine possession avec ce duo LeBron James Doncic. On sait que LeBron aime bien jouer les Knicks. Donc. Ouais, et Luka a souvent fait des stats aussi contre les Knicks. Voilà, je ne nous vois pas en positif cette semaine. Ok, d'accord. Eh ben, je veux pas te suivre. Je me Je veux doute pas te bien, suivre. je me doute bien. Pourquoi? Parce qu'avec la KNF là-bas, là, hein, le match face aux Warriors. Allez, bonne nuit. Allez vous coucher. C'est bon. On va gagner. On va gagner. Les Knicks vont gagner. J'ai même pas à débattre, à mettre des arguments. Les Knicks vont gagner parce que la KNF sera là. Alors, ce sera peut-être pas un match. Voilà, on va pas leur mettre un blowout. Mais voilà. Non, non, non. Victoire. Victoire des Knicks face aux Warriors. Après, les Lakers, ouais, effectivement, Lucas, il n'y a pas eu souvent d'opposition Luka-JB, parce qu'il y a eu blessé l'un, blessé l'autre, donc ils se sont un petit peu croisés, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition depuis que les deux se sont séparés de Dallas. Hein, merci, hein, Nico Harrison. Hein. Finalement, tu avais un bon roster, mais tu as envoyé tout le monde ailleurs. Mais il y a eu peut-être aussi un peu un esprit de revanche côté Knicks qu'on a perdu face à LeBron l'autre fois. LeBron avait été vraiment rayonnant et tout. Mais voilà, mais ouais, je pense que ça pourrait être l'arrêt de la série. On va pousser la série à 4 wins avec les Warriors et puis, ah mince, arrivé, mauvais tacos et tout, une défaite face aux Lakers. Par contre, je verrais plutôt une victoire face aux Clippers. Donc, moi, je verrais un bilan positif à l'issue de cette semaine, enfin sur cette semaine, un 2-1 avec une défaite face aux Lakers. Si je me trompe et qu'on est en 3-0, c'est mieux. Mais voilà, moi, je le vois en positif. Et les Clippers, j'ai du mal à savoir un petit peu quelle est la réelle force de cette équipe. Ils ont du talent, ils ont du James Harden, ils ont du Kawhi, mais le Kawhi, on ne sait jamais trop quel Kawhi on a non plus. Donc voilà, non, ouais, ça sera mon bilan, moi. Hein. 2-1 pour cette semaine avec une défaite face aux Lakers. Mais voilà, dites-nous en commentaire, vous, comment vous voyez cette semaine. Elle n'est pas évidente. C'est West Coast, c'est du début de road trip. Il faut s'y On préparer, va ouais. continuer à l'ouest. Ah ouais. On va retrouver du Warriors, on va retrouver du Kings, on va retrouver d'autres équipes à l'ouest. On n'a pas joué Blazers. encore les Blazers, Non, on n'a pas joué les Blazers. qui sur le papier, on doit les battre, ouais, Le Scoot mais ils jouent mieux Henderson. qu'avant. Les Blazers de Scoot Henderson. Et ça, on verra ça la semaine prochaine, on verra ça plus tard. Là, il y a 3 matchs cette semaine. Donc dites-nous en commentaire ce que vous voyez. En tout cas, moi, je souhaite un très bon fin de voyage à mes amis qui sont. Un night night. Va te coucher, Steph Curry. Là. Va te coucher. Est-ce que Jimmy Butler, il va être un game changer sur cette rencontre? Attention, ça sera pas facile et ça sera sûrement un match à scruter. Et oui, le Moi, match, les j'aime retrouvailles avec pas. Lucas seront à scruter aussi, quoi. S'il y a un match à couteau tiré, moi, j'aime pas savoir qu'il y a Steph Ah non, Curry parce dans qu'on les sait qu'il peut parages. dégainer un petit peu partout, quoi. Ouais. Ouais, et puis. Buddy Hield aussi. Ouais. Draymond Green, est-ce qu'il va nous faire une dinguerie? Comment ça va se passer Est-ce avec qu'il Karl va Anthony Towns? recasser le genou de Mitchell qui vient de revenir? Non, pas ça. Pas ça. Autant on n'aime pas Joel Embiid, mais Draymond Green, non, on l'aime pas non plus, mais Mais quand même. il a l'habitude quand même de filer quelques gnons ici ou là, donc Ouais. potentiellement. Attention, Mitchell, t'approches pas trop de Attention. lui. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe au vert. Au bouffon vert. Au bouffon vert. Fais gaffe au bouffon vert. Méfiance. Bon, c'est ainsi qu'on va boucler cette 115e émission, 115e épisode avec le bouffon vert. Mardi, demain, rendez-vous peut-être ou pas, je sais pas, j'ai pas eu le programme avec l'ami Chapi sur Space X, non pas les fusées, mais sur les espaces du réseau anciennement Twitter, l'oiseau bleu, pour donner vos impressions, vos avis et parler ensemble, et puis finir avec un petit quiz, pourquoi pas, voilà. Sur l'Enix. Donc ça, on verra si Chapi est chaud ou pas, mais en tout cas, nous, on est toujours chaud pour parler d'Enix. Et si on n'est pas chaud et on n'est pas prêt demain à parler d'Enix, ça sera quand? Ça sera lundi prochain pour la 116e émission qu'on vous donnera rendez-vous sur KNFTV à Venice Week. Voilà, tout est dit. Voisin du dessous, amuse-toi bien. Et puis, 1, 2, 3, 0. On verra qui met des 3 points. Si c'est pas Lulu, si c'est pas... Oh, papa, dans quel sens? Enfin, vous l'avez compris. Oui, les 3-0, ça arrive bientôt. C'était là cette semaine. On espère qu'on dira la même chose la semaine prochaine et que les Knicks recolleront un petit peu plus aux fesses des hommes en vert, qui ça, les Boston Celtics. Allez, on verra tout ça la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à toutes et à tous. Et let's go Knicks. Ciao, ciao.